Je vais donc commencer cette émission. Vas-y, Blob, t'es capable. Go! En disant que... Nous sommes le jeudi 15 mars et vous écoutez On a juste une vie, épisode 190. Je suis Blob. Je suis Narf. Et je suis Anne-Marie. Oh man, on n'avait pas prévu l'ordre, hein? Non, si je fais le A, je vais le laisser aller. Je me suis dit que j'ai prenais la place à Blob. Blob. Cool. Ouais. C'est bon ça. Ici, si nous sommes le 15 mars, nous ne sommes pas la journée internationale de Mario, qui c'est était le 10 mars. Mais par contre, vous pouvez toujours, si vous utilisez Google Maps, activer l'option Mario Kart et être un petit Mario sur son kart quand vous vous déplacez dans Google Maps. Je sais pas combien de temps ça va rester, mais c'est merveilleux. Comment on fait ça? J'ai pas vu ça. Il faut que tu partes un itinéraire. Ouais. Comme si tu veux vraiment te rendre quelque part. Puis là, en bas, il y a comme une icône qui est un petit carré avec des petits points dans les coins puis un point d'interrogation au milieu. Un question block. Et là, tu fesses dessus. Oui, et tu deviens Mario Kart. Bon. Là, je vois un itinéraire. J'ai fait un itinéraire dans mon Google Maps. Ah, sur téléphone ou sur ordi? Non, sur téléphone, ça marche. Ouais. Parce que là, je suis sur mon ordi, là. Ça, je suis pas sûr, par exemple. Ouais, parce ça, le but, ça, c'est d'aller sur téléphone. Part, là. Faudrait que tu le mettes comme si t'es en mouvement pis tu veux que Google Maps te parle pis te dise ton chemin comme si t'es en train de marcher ou je sais pas moi, en auto. Je sais pas si... Ah ben ouais, on peut le voir un peu à la caméra, un petit peu. C'est quand même un peu dérangeant de se dire qu'ils ont fait ça pour quand t'es en auto, mais quand t'es en auto, tu peux regarder ton écran, tu peux regarder ton Mario de Mario Kart parce que tu conduis. En plus, quand je t'arrivais à quand t'arrives à destination, la caméra fait comme un zoom, puis elle va jusqu'à l'avant de Mario, puis tu le vois faire « Yay! » avec un petit point des airs. Wow! C'est merveilleux. L'autre jour, j'étais en train d'essayer de visiter une maison, puis on était sur ça, puis mon agent d'immeuble m'a appelé, puis ben il y avait Mario qui criait des affaires pendant que j'essayais d'y parler parce que j'avais pas éteint Google Maps. Parce que, tu sais, elle m'a appelé, j'ai répondu, j'ai pas fermé Google Maps. Mais ça continuait de parler, puis il y avait Mario. Il y a de l'audio aussi? Oui, ben quand tu utilises Google Maps sur mobile, tu peux avoir la madame qui te dit par où tourner. Ah, moi, je mets tout le temps ça. Je fais juste utiliser le visuel. Ah oui, ça marche juste... C'est décevant. Ça marche juste quand t'es en char. Ah, si tu fais appuyer, ça marche pas. Oh yeah, Mario Time. Fêtez la journée de Mario le 10 mars en incarnant le plombier célèbre lors de vos déplacements. Ceux qui n'ont pas compris exactement pourquoi que c'était le 10 mars, parce que ça fait mar 10, ou si tu le lis vite, mar io. Oui. C'est ça. Ah, mais je vais enlever le mute, en tout cas, la prochaine fois. Je vais écouter ça. Ouais, c'est pas full exceptionnel, mais kudos d'avoir pensé d'utiliser le véhicule, le kart fait en tuyau, le pipe frame, qu'il appelle. Parce que classique. À cette heure, le kart de Mario a un petit peu changé. C'est comme le modèle standard. Il a l'air comme un peu... je sais pas, là, il y a comme un boîtier, là, puis tout. Là, mais... ben oui, toi. C'est littéralement un siège sur des roues. Ben non, il y a comme un... C'est une planche. Il y a comme un truc fait en tube de stainless, là. Ben oui. Sort of, ouais. Les cartes dans le Mario Kart original, puis je pense au 64 aussi, étaient faites en tube de même. C'est le modèle classique. Je me demande qu'est-ce qu'il y a... Parce que d'habitude, Nintendo, ils ont des bonnes raisons pour faire ce genre, pour prendre ce genre de décision-là, alors je serais curieux de savoir quelle était leur raison pour choisir un kart en tuyau. Est-ce que c'était parce que c'était transparent? Vous voyez plus le bonhomme? Je pense que c'est le modèle rétro. Je pense qu'ils ont un plaisir de cultiver ce qui est rétro de ce temps-ci. Non, mais je veux dire, l'original, quand Nintendo a fait l'original Mario Kart, genre celui au 64 ou au Super Nintendo, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de mettre des tuyaux? Pourquoi ils ont choisi un cart comme plus vide? Peut-être parce que ça a moins l'air d'une boîte à savon, genre. Peut-être, ouais. Je sais pas, mais peut-être que quand tu voulais aller faire du kart, du karting au Japon, ben c'était ça qui était disponible. Ah, peut-être. J'en ai déjà fait. Je me souviens pas de quoi il avait l'air exactement. Alors, ça avait l'air plus d'une petite auto là, que tu rentrais dedans. C'était pas ouvert comme ça, ça aurait été bien trop dangereux. Là. T'aurais pu être projeté en dehors. Peut-être qu'en 1991, c'était moins une inquiétude. Peut-être. Mm-hmm. Peu importe. J'imagine que c'était facile à dessiner au Super Nintendo. C'est quand même vraiment antique comme jeu de course, Mario Kart au Super Nintendo. Là. Ça roule sur le mode 17, qui est essentiellement une espèce de calcul géométrique d'un gros background avec un espèce d'angle, puis ils se sont arrangés pour cacher les bordures puis les coins dans un autre background. C'est très étrange, puis ça conduit pas du tout comme une auto. J'ai jamais remarqué ça tant que ça. Ben, quand t'as l'habitude, il y a rien là, mais les perspectives sont pas réelles. Il y a quelque chose de bizarre. C'est pas un vrai 3D, l'illusion est comme brisée quelque part. À la limite, il y a des titres, par exemple, sur Sega Genesis, dont le jeu Oh Dear est inspiré, qui était à l'occasion plus réaliste, malgré que là aussi la perspective est complètement fuckée, sauf qu'ils ont fucké la perspective d'une façon qui trompe ton cerveau plus efficacement. OK. On parle des jeux de course où tu fais tout le temps face par en avant, puis là, t'as comme des courbes qui arrivent. Mais, tu sais, en principe, ton auto est stationnaire. C'est littéralement la route qui arrive vers toi. Mm-hmm. Puis là, ben, c'est des jeux où il y avait beaucoup comme d'obstacles à gauche et à droite qui arrivaient à répétition pour t'aider à comprendre, genre, t'es où. Fait que là, quand les arbres y arrivent, puis ils défilent de la droite vers la gauche, ben, c'est une curve vers la droite. Ça prenait comme plein d'objets bien placés pour te donner l'illusion que tu n'étais pas juste en train de regarder un écran qui défile, mais que le paysage tournait. Ah, ok. Parce qu'il n'y avait aucun 3D là-dedans. C'était juste des plaques de graphique rectangulaires qui s'en venaient vers ta caméra avec des zoom out et des translations. Quand tu vas plus vite, ben il défile plus vite, là. Ouais. Est-ce que c'est pas toi qui vas plus vite, là? Ouais. Mais tu sais, il n'y avait pas de raison pour que la piste ait été faisable. Genre, ils pouvaient te faire tourner à droite à l'infini sans que tu t'en rendes trop compte. Juste des objets qui arrivent. Tandis que dans Mario Kart, c'est réellement une piste qui est dessinée sur un carré. Mm-hmm. Ah, okay. Elle doit exister. Mais elle a à peu près aucun relief. Mm. Moi, ce que je trouvais qui était quand même impressionnant, c'était que quand tu étais dans la piste, tu pouvais regarder puis voir les autres morceaux de piste plus loin. Comme là où tu vas être plus tard. Ah oui. Mettons, tu fais un virage, tu vois où est-ce que tu étais avant, où est-ce que tu vas aller. Alors que dans les vieux jeux de Genesis ou d'arcade, il n'y avait pas ça. Fait que tu voyais jamais d'autres morceaux de piste. C'est des affaires comme Top Gear, si je ne me trompe pas. Parce que je ne jouais pas vraiment ça, mais... Ouais, je trouvais ça plat. Il y en avait un, ça s'appelait. Sur Sega Genesis, ça s'appelait Technocop. Oh boy. Hey, oh, ça fait tellement 80. Ça me faisait tellement peur, cette affaire-là. J'aimais ça. Je faisais le bout en char, puis là, ben, de toute façon, je mourais tout le temps. Ou je me tannais. Mais à un moment donné, le bout en char, il arrêtait, puis là, le bonhomme, il rentrait dans une maison, puis là, il fallait explorer la maison. Ah, ça, j'aime pas ça. Il y a des... Ça faisait peur. Puis je mourais tout le temps. Et je pense que t'avais peur facilement, un petit peu. Ben là, oui. Un petit peu facilement. À qui encore, cette semaine, j'ai avoué ne pas avoir dormi après avoir écouté Jurassic Park 3. Je les ai pas vus, ceux-là. Puis là, il est inquiétant. début, c'est il fait que un... le T-Rex il vient à New York, genre. Ouais, oh my god. Ça, c'est le 2. Dans le 2? Tout à fait. Le T-Rex dans la ville? Ouais. Ah. Bon, mais c'était le 2 d'abord. C'est lui où il va s'occuper de son enfant. What? Peut-être. Ben là, t'as dû. Mais là, il y avait un petit enfant dans sa chambre, là, pis là, il regardait pas dehors, mais il y avait le T-Rex dans sa fenêtre de chambre, pis là, oh my god, que ça me faisait peur! Ben, tu sais quoi, moi aussi, sauf que, étrangement, à l'occasion, je faisais un cauchemar de ça, puis en me réveillant, je trouvais ça cool. Mais toi, tu tripais Dino. Moi, j'étais juste peureux. Mm. Tout à fait. Mais c'est quand même assez rare, genre, je pense, dans le monde, de faire un cauchemar, puis de te réveiller, puis de trouver ça cool, comme si t'avais écouté comme un film d'horreur que t'avais eu envie de voir. Ouais, quand même. Parce que, fondamentalement, t'as vraiment eu peur, là, pendant ton cauchemar. Là. C'est ouais, juste que... tu devrais être traumatisé. Ouais, c'est ça, mais quand ça impliquait un T-Rex, ça... c'est correct. Mais ça a l'air vrai. Oui, c'est sûr. Des fois, je fais des rêves de jeux vidéo, puis là, ça devient trop vrai. Ça devient la vraie vie, puis là, je tire des zombies avec un gun, puis c'est comme... Oh, le tableau n'est plus obligé de t'enlever ton casque de VR. Bon, je me réveille. Parce que c'est trop stressant. Bon, est-ce quelqu'un qui a joué à des jeux de VR avec des zombies? On a des commentaires pertinents dans le chat aussi. Que le nouveau Mario Kart 8, ça se conduit pas non plus comme une auto. Mais on n'a pas quelqu'un qui a joué à Mario Kart 8 cette semaine? Ouais, quand même, pas mal. Ouais, ça, ça serait... me dire si ça se conduit comme un char ou pas. Hey Marie, t'as fait un lien. Oui, j'ai fait un lien. Pertinent. Wow! La conversation va avancer. Yeah. Wow! Man, heureuse. Ça paraît que c'est pas moi qui fait ce podcast-ci. Non, mais j'aurais jamais fait une belle. J'aurais fait un beau lien de même. Yark. C'est tout grâce au chat. Je dis yark à moi-même, là, pas yark à toi. Good job, Anne-Marie. Je viens tout te péter ton lien. Ouais. Bah. Mario Kart 8. Blob. Jouer à ouais. ça? Ouais, beaucoup. C'est... Mais fait, là, sur quoi? Switch. OK. Parce que sur Wii U, il n'est pas en version deluxe. Ouais, il faut t'acheter le DLC. Ouais, mais même pas, c'est même pas pareil. Ah! Mario Kart 8 Deluxe, c'est un exclusif Switch d'une certaine manière. Ah, je pensais que c'était... Excuse, Narf, je vais pas te couper. C'est juste, je pensais que c'était juste la version complète avec toutes les DLC. Ben, c'est entre autres ça, mais c'est aussi quelques affaires de plus. Il y a des personnages de plus, il y a quelques véhicules de plus... genre 3 de chaque, chose comme ça. Et puis, quand tu driftes dans les jeux de Mario Kart, d'habitude, il y a une mécanique pour faire des flamèches en arrière de ton auto puis avoir un mini-turbo quand tu finis de faire ton slide là, dans les tournants. Puis, dans ce Mario Kart-là, ils en ont rajouté un troisième niveau. Fait que dans Mario Kart 8 standard, même avec toutes les DLC, tu as juste 2 niveaux de mini-turbo, mais là, il y en a un troisième. Fait que là, t'as plus de drifting puis de turbo. Ça va bien trop vite. De ce temps-là, j'ai fait la plupart du jeu. Je suis en train de faire les time trials, essayer d'avoir les meilleurs temps sur les pistes. Ben, pas forcément mon meilleur temps personnel, mais juste battre les temps des développeurs parce qu'ils ont mis leur ghost que tu peux essayer de battre. Fait que je fais les ghosts des développeurs à 150cc, qui est normalement la vitesse la plus rapide. Mais dans un DLC pour les gratuits d'ailleurs, pour les deux jeux, ils ont ajouté 200cc. 200cc, c'est absurde, là. C'est... En fait, je me débrouille, je dirais relativement bien, mais je vois à quel point c'est complètement brisé. Les pistes ne sont pas faites pour supporter non, c'est ça. De 200cc du tout. C'est quoi, c'est que ça va... Les CC, c'est que ça va plus vite, genre, c'est ton max ouais. speed? Ouais, ben... Essentiellement, dans la vraie vie, des CC, c'est un volume... Puis, quand tu as un moteur, il y a des cylindres, ben ces cylindres-là, ils ont un volume. Ah, c'est ça que ça veut dire? Et plus tu as de volume dans des cylindres d'un moteur, plus il est capable d'effectuer de travail dans un terme physique mécanique. Anne-Marie fait une face de... Oh! Oui, je pensais pas que ça avait rapport avec le volume. C'est les mêmes CC que les CC de d'épinéphrine qu'on t'injecte à l'hôpital quand tu veux mourir. Ben oui. Ah ben, tabarnouche. Sauf qu'il y en a plus. Ouais. Et ça, les gens qui connaissent, par exemple, les motocyclettes savent que 150 cc, c'est pas tant que ça. Genre, si tu veux, tu peux t'acheter des affaires comme des 800 et des 1000 cc. Oh, Ça mais là, existe. c'est juste des cartes, là, puis c'est juste des enfants, là. Ouais, ben. Même. 150 cc, traditionnellement, là, c'était le plus vite. Mais je pense que c'est à peu près un moteur de tondeuse. En tout cas, ça roulait assez vite, puis les pistes ont été conçues pour que ça soit le mode expert. Là, ils ont ajouté 200 cc pour les encore plus experts. Le Juste bon être plus côté, vite. C'est de la Formule 1 de kart. ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est que les tournants puis toutes les pistes sont pas faites pour, là. Ah, fait que ça tourne trop. Ça tourne. Faut que tu tournes trop serré, genre. Ouais, Oui. ben. J'ai l'impression que tu passes toute la course à faire genre oh, tu n'as jamais l'impression d'être comme en contrôle. Ouais, ça ressemble à ça. Avant que tu deviennes vraiment habitué, là, les curves sont juste pas faites pour que tu les traverses à 200 cc. Il y a comme beaucoup de bouts où est-ce que si tu te places comme il faut, tu peux sauter par-dessus des coins de curve pour genre pas une piste. Tes mini turbos, ils te font aller tellement vite que des fois tu coupes à travers le gazon, puis à 150 cc, c'est fait pour que si tu coupes dans le gazon, c'est presque tout le temps un désavantage, là. Il n'y a pas tellement de ça. 200, tu es capable de t'en sortir à l'occasion, là. Si tu le fais comme il faut, là, des fois, ça va aller plus vite de juste frotter un peu dans le gazon ou dans terre plus dure. Mais ça a au moins l'avantage de faire que c'est la première fois que des joueurs de Mario Kart invétérés ont besoin de breaker. Parce que tous les jeux de Mario Kart depuis le Super Nintendo avaient un bouton break. Et ce Ah bouton-là, ouais. neuf, intouché, pas dégradé, pareil comme à l'origine. Je m'en servais pas. T'as pas besoin de breaker, c'est inutile, ça te nuit de breaker dans Mario Kart, sauf quand tu essayes le nouveau et tu vas à 200 cc. OK. Ben Non, parce que voyons. sinon tu tournes pas. C'est pas exactement ça. Tu sais, Mario Kart, quand tu veux jouer comme il faut, la première affaire à apprendre, c'est d'utiliser ton bouton R la plupart du temps pour tourner plus serré puis faire des mini turbos. Fait que là, ça, quand tu commences à comprendre ça va bien. Deuxième étape, tu commences à faire tes slides de plus en plus de bonne heure pour essayer d'accumuler des plus de mini turbos. Puis là, tu apprends à prendre tes courbes plus larges ou plus à l'intérieur. Mais Ben, ça, ouais, ben ouais. fini. Quand tu commences à 200 cc, tu te rends compte que même ça tourne pas assez. Fait que tu vas être obligé de ralentir. Moi, traditionnellement, je lâchais le bouton A, c'était suffisant. Mais c'est bien plus efficace de peser sur break. Mais pas beaucoup. Mais tu fais ça pendant que tu es en train de tourner avec ta slide. Puis ta slide, ça l'arrête pas. Je Mais pense qu'avant, ça l'aurait arrêté. Mais maintenant, ça la garde. Ça fait juste ralentir ton drift. Puis ça t'aide à tourner plus vers l'intérieur. je veux dire, en plus de lâcher le bouton d'accélération. Non, tu le gardes. Mais là, t'es con. Non, pas du tout. C'est Non, une mais. vraie technique de course, hein, d'ailleurs. C'est d'avoir le pied sur Il n'y a le pas de. gaz. Non, il n'y a pas de pédale drift sur ton char, je m'excuse. Non, je sais, mais si tu es en dérapage ou tu es en virage, à l'occasion, ça se peut que tu aies l'accélérateur à peu près dans le fond, puis avec ton talon, tu pèses un tout petit peu sur le break. Je suis sûr que j'ai déjà fait ça pour sortir d'un banc de neige ou quelque chose. Ou genre la glace ou Le break. Ça se peut. Ouais, en même temps que t'accélères pour drifter, là, pour être capable de te sortir de. Ouais. Moi pis mes habitudes de conduite ghetto quand il y a bien de la neige puis de la glace, là. C'est pas forcément Ouais. la meilleure technique, puis c'est un truc un petit peu limite, là. C'est pas de quoi, genre, qui s'utilise beaucoup, surtout que maintenant, conduire avec des pédales, c'est plus vraiment, c'est comme plus vraiment comme ça Nécessaire. qu'on marche, là. C'est comme avec des switches après le volant, tu sais, puis OK, t'as probablement une ou deux pédales, mais genre la clutch est avec tes doigts comme une manette, mais après ton Ouais, volant. ouais. Ça, Oh, c'est ouais. de haut niveau maintenant, c'est quelque chose comme ça. Je suis même pas sûr que les pilotes de Formule 1 ont des pédales. Je suppose que oui, j'imagine que ça te libère. Tu peux pas avoir tout sur tes doigts, mais je pense que changer de vitesse, ça se fait avec les doigts, là. T'as pas le temps d'étirer ton bras vers un manche de vitesse, là. Tu fais ça, tchic, tchic, sur le volant. quand est-ce que ça va être des électrodes sur leur tête? Dans le fond, il n'y aura plus de char. Je sais pas, mais je sais que dans In Black 2, ils pensaient que ça serait des manettes de PlayStation bientôt. Ah, conduire des chars, sure. Nonobstant le fait que quand tu utilises une manette de PlayStation, le control stick, c'est genre vraiment, vraiment différent d'un volant, puis ça marche pas dans la vraie vie, mais... Ouais, je suis pas sûr que c'est super précis. Surtout ouais. Celle de PS1, là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais jouer à Gran Turismo sur un PS1, ça fait que quand tu veux tourner puis que tu pèses sur ta croix directionnelle, c'est tes roues partent de pas tourner à 100% tourner, puis tu leur donnes des petits coups comme... C'est comme ça, tu fais un virage genre progressif. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Ou clic, clic, clic, clic, clic, clic. Ouais, c'est ça. Dans la vraie vie, ça fait que tu perds le contrôle puis tu revoles dans le champ, ça. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. C'est comme les pires transferts de poids au monde, là. Mais tu vois, moi, c'est ce que je fais quand je joue à Mario Kart. Quand je fais mon dérapage, je pars mon dérapage. Puis là, si j'ai besoin d'accélérer ou de ralentir, je pèse ou je lâche le bouton d'accélération. Mais le brake, je pense que si tu lâches ton bouton d'accélération, ça arrête ton drift. Ça, ben, non. Ça arrête tes flamèches. Ça peut dépendre de la version. T'as juste à garder le bouton drift, je disais. Comme dans la vraie vie, si ton char, okay. t'as la pédale brake, t'as la pédale accélération, puis t'as la pédale drift. Hein? Parce que tu dans vraie vie, faire un drift, tu le fais avec ton break, mais là, dans Mario Kart, non, tu sais, avec le bouton jump. Ouais. Ben, ça dépend. Si t'as un auto à propulsion, tu peux drifter avec le gaz aussi. Ah, ouais. Un auto à propulsion. Ah, tu veux dire comme qu'elle a une fusée en arrière? Non, ça veut dire que c'est les roues arrière qui entraînent le véhicule. C'est le contraire d'une voiture à traction. Ouais. Avant, on disait traction avant, traction arrière, mais si ça vient en arrière, c'est pas une traction, c'est une propulsion. Ouh. Ben, quand un véhicule a propulsion puis tu donnes trop de gaz, tu peux commencer un survirage. C'est un peu un drift, là, mais ça, c'est un drift partiel. Tu as un drift à quatre roues que tu peux faire aussi, dépendamment des conditions. Mon père, il faisait ça quand je revenais le soir, puis il me faisait un lift. Puis là, il y avait bien de la neige. Puis il faisait un drift. Puis il y avait ses vieux... C'est son char qu'il utilisait à peu près jamais, parce qu'il prenait l'autobus. Fait que là, il faisait il avait ses pneus 4 saisons flat en hiver. Ça, c'était avant que la loi nous oblige à changer. Puis là, on faisait jouer. C'était bien le fun, c'était pas du tout dangereux. Je suis sûr que t'avais pas peur du tout. Non, c'était drôle. J'étais trop jeune pour avoir peur. Ah, ouais. C'est ça. Mais j'imagine qu'on peut revenir un petit peu à Mario Kart. Est-ce qu'il y a des affaires réalistes dans ce jeu-là? Oui, un peu, mais aussi des affaires pas très réalistes. Je dirais que la conduite est plus réaliste qu'elle a jamais été. Surtout quand les bouts que tu es à l'envers. Oui. Quand la piste va à l'envers, ça, c'est très réaliste. Ça, c'est oh, beaucoup, ouais. C'est très réaliste. C'est comme dans la vraie vie. C'est pas juste Rainbow Road que ça vire à l'envers? Non. C'est côté, là. Ben. Non. Il n'y a pas une caverne, genre. En fait. Il y a de la lave, puis là, la lave, elle arrive est en haut. En fait, on va faire un petit peu d'histoire, là, vite, vite, là. Traditionnellement, dans Mario Kart, tu peux pas coller ses murs puis rouler au plafond. Enter Mario Kart 7. La nouveauté de Mario Kart 7, c'est que c'est F-Zero maintenant. C'est que fuck la géométrie, les physiques, puis tout ça, tu peux coller où tu veux, tu peux voler, puis tu peux aller dans l'eau, puis genre ton kart fait tout, il y a un deltaplane après, puis genre, c'est ça. La piste peut aller n'importe comment. Puis là, on est après cette époque-là. C'était Diddy Kong Racing. Fait que toutes les Rainbow Road qui sont sorties avant Mario Kart 7, tu pouvais pas faire toutes ces affaires-là. Genre, il était peut-être fucké, il était peut-être dans le ciel, il y avait plein de choses. Il n'y avait pas celui... des loups et des trucs de même. Non, celui sur le DS. Celui sur le DS, Mario Kart DS, il y avait un loup à un moment donné. puis là, t'allais à l'envers dans la loupe. OK, possiblement. C'est une assez grosse loupe pour pas que ça soit possible dans la vraie vie. OK, ça se peut. Genre, je suis pas sûr vraiment que qu'un char peut faire une loupe dans la vraie vie, mais mettons que... À 150cc, en plus, je sais pas. Dans la vitesse d'une tondeuse à pelouse, là. Non, mais tu sais, c'est pas juste la puissance en cylindrée, c'est le poids qu'elle transporte. Fait que si elle transporte juste un pipe frame et une personne, 150cc est peut-être capable. Ah, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est des cartes en tuyaux. C'est parce que c'est faut que ça soit des tuyaux en aluminium full léger. Ouais, j'imagine. C'est comme, il y a presque... C'est juste un petit mini châssis de rien, juste pour dire que ça tient les roues, puis le moteur de tondeuse, puis let's go. Comme ils peuvent se lancer des grenades puis des affaires, fait qu'ils se lancent des tortues. Tu sais, c'est les frères ouais. Fragiles. Fait que, c'est ça. Ben ouais, avec un frame de même, une tortue, ça fait une espèce de gros bump. Bon, en tout cas, pour revenir au réalisme, la nouvelle technique de drift que tu donnes des coups de break, puis ça aide beaucoup. Mais il y a d'autres choses avec le break, c'est que quand tu joues en mode multiplayer, bataille, maintenant tu peux faire un U-turn. Comme si tu tiens les breaks puis tu donnes du gaz en même temps, ça fait un super beau U-turn qui a l'air réaliste comme tu pourrais faire dans Grand Theft Auto. Et ça, c'est super pratique parce que dans les stages de bataille, il n'y a pas de chemin. C'est comme t'es lousse avec des obstacles. Ouais. De bord souvent. On recule dans le temps du 64, là, quand tu étais pogné dans un coin avec tes ballons puis tu voulais voir les autres, ben, il fallait comme que tu donnes du gaz puis que tu fonces dans le mur. Finalement, ce que tu ôtais sur place en tournant super lentement. Mais non, mais Blob, voyons donc, qu'est-ce que tu dis là? Tu faisais juste peser sur le break puis ça faisait reculer. Ah, c'est vrai ça. Tu vois, aussi, le break il servait. Ça se faisait reculer. Tu pouvais reculer, mais il fallait quand même que tu tournes et ça tournait pas serré. Maintenant, quand tu décides de faire break puis gaz, ça fait 180. Tu peux même faire des donuts si tu veux. Et ça, bon, le segment bouffe. Qui m'amène du fait que dans Mario Kart 8, le mode bataille, il est niaiseux et inutile. Okay? C'est essentiellement un... Je me souviens pas s'il y avait des ballons, parce que c'est le mode traditionnel avec des ballons, mais l'important, c'est qu'ils te mettent sur des pistes normales, genre... C'est pas comme des batailles avec un vrai mode bataille. Mais dans Mario Kart 8 Deluxe, il y a 8 stages de bataille vraiment nice, puis il y a 5 modes de bataille que tu peux faire. Y a-tu les bombes? Oui. Comme dans celui au GameCube... Tu peux jouer à tout le monde a des ballons, mais le seul item que tu peux avoir, c'est des bombes. Sauf qu'au lieu d'avoir un item à la fois, vu que c'est des bombes, tu peux avoir jusqu'à 10 bombes en même temps. Ouais, là, ça explose de partout. Des bombes complètement épais. Puis tu peux le faire en équipe. C'est drôle. Il y a ça, il y a le Shine Thief, où est-ce que tu vas attraper le Shine de Super Mario Sunshine, puis il faut que tu le gardes le plus longtemps possible. Puis ça aussi, tu peux te diviser en équipe. Et le nouveau, qui est vraiment le fun, qui est complètement malade, c'est la police et les voleurs. T'as la police qui ont des plantes piranha après leur char avec un gyrophare sur la tête de la plante piranha. Et là, sur la map, tu vois juste ton équipe. Normalement, tu vois tout le monde, mais là, tu vois juste ton équipe parce que de l'autre côté, il y a les voleurs qui, eux, essayent de ne pas se faire pogner par les plantes piranha. Toi, avec ton équipe de plantes piranha, quand tu manges les voleurs, ils s'en vont dans une cage. Puis la grosse cage est indiquée sur la map, puis en dessous, il y a une switch. Fait que tous les voleurs qui ne se sont pas fait attraper encore, ils vont essayer de les peser sur la switch pour libérer tous les voleurs. Là, ça dure un certain temps. À un moment donné, les voleurs essayent de durer jusqu'à la fin, je ne sais pas moi, du 5 minutes. Puis quand le 5 minutes est fini, ils ont gagné. Sinon, il faut que la police, avec les piranha, ils aient pogné tous les voleurs. Puis quand ils attrapent le dernier, plus personne ne peut se libérer, puis ils ont gagné. On a été surpris à quel point c'était challenging avec les ordi quand tu les mets au maximum, puis comment c'est le fun. Pour vrai, c'était comme des soirées de plaisir. Là. Ben non. Ben, c'est ça qui est important avec Mario Kart. Là. Ben ouais, je pense que c'est ça qu'on cherche. Faire de la compétition avec tes amis. Mais il y a 5 modes, genre versus. Ouais. Damn. Là, on en a couvert 3. Fait qu'il y a le classique avec les ballons, il y a les bombes, il y a les chaînes, il y a voleurs, puis il y en a un. Oui, il y a des chaînes. Je me souviens plus. Je me souviens plus de l'autre. Mais dans les tableaux, c'est le fun. Il y en a un qui est inspiré, par exemple, du vieux au Super Nintendo. Fait que là, on a comme recréé, mais dans un super beau 3D, que, comme la Switch est capable, un tableau avec des couleurs, genre rouge, bleu, vert, jaune. Puis des jumps que tu peux voler, puis t'essaies d'aller au milieu. C'est comme une recréation avec du 3D de la version Super Nintendo. Très intéressant. Et puis... je pense que j'avais lu ou j'avais écouté une critique vidéo, puis il disait que, puis je suis d'accord, c'est un retour vers le talent un peu dans Mario Kart. En fait, ce qui manque beaucoup dans ces jeux-là, c'est que les efforts que tu mets te soient rendus. Mario Kart, c'est pas comme ça. T'essayes d'être bon, tu mets des efforts... Puis 36 coquilles, puis tout explose, puis genre, il y a une banane vraiment mal placée, puis tu tombes 30e. Donc, il y a juste 12 racers sur la piste, là, mais... mais c'est ça le but. C'est du catch-up. Je comprends. C'est le fun et excitant. Puis d'ailleurs, les gens qui sont derrière, ils ont un boost de vitesse pour rattraper plus facilement ceux qui sont en avant. C'est toujours le cas. Mais maintenant, les efforts que tu investis, par exemple, à ramasser les scènes, parce que maintenant, ils ont ramené les scènes du vieux Super Mario Kart. Quand tu as de 0 scènes, tu vas pas vite. Quand tu as 10 scènes, tu vas super vite. Tu as avantage à pas toujours prendre la meilleure ligne de course, mais ramasser les scènes. Quand tu fonces dans quelqu'un, tu perds une scène. Fait que c'est une décision de foncer dans quelqu'un ou pas. C'est un risque. Ça. Ben non, quand c'est pas quand tu fonces. Si t'es un gros, tu ramasses les scènes. Ben, tout le monde ramasse les scènes. C'est le plus gros? C'est celui qui est le plus gros qui ramasse la scène, je pense. Mm. Ouais, je pense que quand tu fonçais dans l'autre, les deux en perdaient. Là. Je me souviens pas comme de pouvoir en voler, mais... Peut-être pas, je sais pas. C'est quand même juste un détail. Là. Il me semble que habituellement, je me concentre pas trop sur les scènes puis je les cherche. Même si je fonce dans les autres, il me semble que j'en gagne pas. Sinon, à l'occasion, je serais loadé. Là. Parce que j'ai justement un gros. Là. J'aime jouer avec Bowser squelette. Puis, je me ramasse pas des tonnes de scènes là, juste à foncer dans les gens. Alors, peut-être pas d'abord. Je suis un peu déçu, là. Parce que là, tu te dis genre, ah, oh, ils ont ramené les scènes du Super Nintendo. Puis je suis comme, les gens. Ça fait deux personnes qui me disent ça, genre, parce que on a joué à Mario Kart sur la Switch à Job. Puis les gens disaient, ah oh, oui, ils ont ramené les scènes comme celui au Super Nintendo. Puis j'étais là, non. Non. Vous oubliez le Mario Kart Advance sur Game Boy Advance qui avait ben oui, les scènes. Raison. T'as raison. C'est celui qui est toujours oublié. C'est probablement celui que j'ai le plus joué. Parce que je l'avais sur Game Boy Advance. Quoique non, celui sur DS, j'ai joué en tabarnouche pas mal. Mais celui sur Game Boy Advance, c'est genre Mario Kart 3. Là. Ouais. Ben, c'est comme. Ça ressemble à celui du Super Nintendo, mais mieux. Il est plus beau. Ouais, parce que le Game Boy Advance, ça ressemble au Super Nintendo. Là. La quantité... Il y avait un peu de 3D, il me semble. Peut-être pas. Non, peut-être pas. C'était peut-être plus flat. Mais il y avait des pistes cool. Mais même au Nintendo 64, les personnages n'étaient pas faits en 3D. Ouais, non, je sais bien. Mais. Je trouvais ça comme laid. Puis aussi... Des sprites en 8 directions, c'est ça? Ouais. Ouais, c'était bizarre. Le Mario Kart Advance sur Game Boy Advance aussi, il y avait un mode miroir que tu pouvais faire les pistes dans le sens opposé. Mais depuis Mario Kart DS, c'est pas mal, genre tout le temps. Même au 64, il l'avait. Ah ouais? Ah ouais, ok. Ben. Ouais, maintenant, la classique façon de faire un Mario Kart, c'est que tu mets 4 cups. Après ça, en dessous, tu mets 4 cups qui sont essentiellement des reprises des vieux Mario Kart. Puis dans Mario Kart 8, ils ont rajouté 4 cups qui étaient des DLC. Moi, je comprends pas pourquoi ils font pas juste ramener toutes les maps. Les bonnes Ben, là, parce qu'il faut qu'il refasse. Ouais, il y a ça, là. Bah, là! Ouais, c'est faut beaucoup qu'il plus refasse. Des maps. Ben, à cette heure, oui, je te dirais que le Mario Kart 8, il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis les maps ont l'air d'avoir coûté cher. T'as pas l'impression d'être sur une piste de course, t'as l'impression de courser à travers l'univers du jeu. Ok, ok. C'est celui de Super Mario Galaxy, là, c'est vraiment quelque chose. En plus que t'as la toune, là, t'es comme sur en partie sur un beanstalk. Après ça, tu roules sur des nuages, t'es comme entouré de nuages. Tu finis sur le vaisseau pirate volant, comme dans Mario 3, que tu traverses vite, vite. Puis après ça, tu vas dans le nuage avec des éclairs. Là, il y a comme des boosts, puis des fois, les éclairs, ils pognent les boosts. Fait qu'il faut que tu fasses attention de pas pogner le boost pendant qu'il se fait toucher par un éclair. Ah, ok, ouais. Quand tu es dans les éclairs, la musique est comme semi-évolutive, là. Quand tu es dans la section d'éclairs, la soundtrack change. C'est la même tune, mais ça devient de la guitare électrique pour ce morceau-là. Mais c'est Nice. seamless, ça fade in, fade out. Yes. Il y a toutes sortes de trucs comme ça. Dans le tableau des dauphins aussi, tu es dans l'eau la plupart du temps. Puis là, la tune, c'est comme, je sais pas, du marimba, là. Quand tu réussis à sortir, ben là, c'est du saxophone. Quand t'es sur la terre ferme, ça switch au saxophone. Puis le gars qu'ils ont engagé pour le saxophone, il brille. Hein. Honnêtement, j'avais entendu des petits bouts de la soundtrack de ce jeu-là, puis j'ai eu très, très envie de jouer à ce Mario Kart-là à cause de la soundtrack. Et puis, c'était pas un mauvais choix. Pour vrai, je pense que c'est mon Mario Kart préféré jusqu'à date. Puis j'avais vraiment trippé sur le DS, mais au moins, il n'y a pas le truc stupide du DS, mais que j'avais beaucoup de fun à faire, qui était le snaking. Ben voyons donc! Et ça, dans toutes les Mario Kart, là, tu fais gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Ben, plus à cette heure. Non, Mario Kart, oui, si je ne me trompe pas, tu peux pas faire monter ton niveau de mini-turbo juste en gossant sur tes pitons. Il calcule en fonction de combien de temps tu as drifté puis de comment d'angle tu as tourné. Ah, ben là, ça, c'est comme Mario Kart Advance au Game Boy Advance. Possiblement, je me souviens pas, là. Ça c'est des techniques advanced d'ailleurs. Le Mario Kart Advance, tu faisais pas gauche-droite, tu faisais juste tenir le dash assez longtemps. Puis si ouais. Tu tenais assez longtemps, tu avais le boost. Et j'ai appris justement en faisant des recherches que dans Super Nintendo, tu pouvais le faire ça. Puis ça fait super longtemps que j'ai ce jeu-là, puis j'avais jamais découvert ce truc-là parce qu'il est écrit nulle part. Puis je sais même pas comment le faire. Je pense qu'il n'y a même pas d'animation spéciale pour te dire qu'il est activé, mais. Quand tu fais un bon drift comme il faut, puis que tu le lâches, tu vas plus vite. J'ai jamais remarqué de toute ma vie. Je viens de l'apprendre cette semaine. Comme dans la vraie vie. Ouais, comme dans la vraie vie. Quand tu driftes, ouais. Fait que plein de petits trucs intenses à faire. Entre autres, tu sais, quand t'es collé sur les murs, si tu fonces dans tes amis ou dans tes ennemis, ça te donne un boost. Fait que là, hein? Oui. Quand tes roues chavaillent de côté et deviennent anti-gravité, là, des fois, il y a des espèces de trucs bizarres que si tu fonces dedans, ça te donne un boost. Puis quand tu fonces dans les autres curseurs, ça donne un boost aux deux. Et boy! Là, quand tu tombes sur les murs puis à l'envers, ça devient full contact parce que ça va plus vite. OK. Plein de petits guédus à exploiter. De petits guédus. Un item un petit peu étrange qui est la boîte à musique. Ça fait trembler tout le monde. Ça fait qu'il spin un peu comme s'il y avait une banane dans un rond autour de toi. Mais ça cancelle aussi les items incluant la reine bleue. Fait que quand t'es top à ce jeu-là, là, tu trouves la boîte à musique, tu la gardes. Là, tu te mets en première place. Puis là, juste quand elle arrive au-dessus de ta tête, pouf, tu la cancelles. Il y en a un autre qui arrive. Ouais, bon, ça peut arriver. Il n'y a pas d'échappatoire. Cela dit, le 200cc, tu vas tellement vite que des fois, tu peux aller plus vite que les coquilles rouges puis te perdre. Oh! C'est une stratégie de genre essayer d'avoir tes mini-turbos puis filer super vite pour que les coquilles rouges te perdent. J'aurais cru que... Ah, ben là, c'est vraiment le mode expert, hein? Ouais. C'est vraiment cool. Mais ça fait aussi que quand tu essaies de toucher tes ennemis avec des coquilles rouges, genre des fois ça prend comme une heure avant que la coquille rouge réussisse. Fait que je me suis fait poigner, là, l'autre jour, j'arrive proche de la ligne d'arrivée, puis je suis deuxième, puis là, je le vois, je la pitche d'avance, tu sais, parce que je veux pas prendre de risque, ben, il a quand même passé la ligne. Il a fait un gros long tournant au complet avant qu'il réussisse à se rendre. Ah ouais, full de speed boost. N'importe quoi. Mais c'est pas grave. Moi, je recommande à tout le monde de jouer à celui-là. Même si c'est avec les manettes de Switch virées sur le côté, ça va super mal. Parce que ça va pas bien? Dans les manettes de Switch, quand tu les tournes de côté, le problème, c'est que ton joystick n'est jamais centré et tes boutons non plus. C'est la manette qui te rentre dans une des deux mains. Mais il faut que tu tiennes sur le bout des doigts. Ouais. Fait que là, ça va bien. En plus, quand tu veux drifter, tes petits boutons shoulder sont comme miniatures en avant. Mais tu rajoutes la dragonne quand même? À l'occasion, ouais. Je trouve que c'est quand même une petite différence, là. Ouais. Ben, c'est vrai que j'en ai quatre, mais j'en ai juste déballé deux. Fait que souvent... Les manettes ou les dragons? Les dragons. OK. Parce qu'eux autres, ils donnent un petit peu plus de place, puis c'est comme si ils mettent tes boutons plus haut, puis plus facile à peser. Ah, oh, toi, tu parles du petit cossin que tu glisses la manette dedans, là. Ouais, le petit gégus noir, là, mais c'est lui qui a comme la dragonne de prix après, là. Le dragon. Mais ouais, c'est ça, ça rajoute, je sais pas moi, un 3/4 cm d'épaisseur à la manette. Mm-hmm. Puis les boutons sont un peu plus gros. Fait que ouais, ça rend ça plus facile. Non, mais ce qui a le fun maintenant, c'est que ça conduit tout seul, si tu veux. Tu peux mettre auto-gaz, puis auto-tourne. Fait que là, genre, ton kart, il continue tout seul, puis s'il rencontre le bord de la piste, il se met à tourner. Puis, ben, dans le fond, j'utilise ça souvent parce que pour pogner les morceaux de kart, faut que tu pognes des scènes. Puis comme ça me tente pas de pogner des scènes par moi-même en jouant au jeu, ben, des fois, je fais comme si je jouais à 4, puis je mets tout le monde sur auto-conduit, auto-gaz, puis ils ramassent des scènes parce qu'ils traînent sur une piste, puis après ça, je fais comme... Bon, ben, ils ont fini de courser, ils ont gagné. Puis là, je fais comme OK, j'en refais une autre. Pendant ce temps-là, je sais pas, je peux faire la vaisselle, je peux faire le ménage. Puis j'ai juste besoin de revenir de temps en temps pour faire OK. Puis là, après ça, ils refont une autre course. Parce que le jeu, il pense que c'est des joueurs humains qui jouent. C'est juste, tu sais, peut-être qu'ils trouvent qu'ils sont paresseux. Mais... Ouais, mais ça pourrait être des enfants, hein. Fait qu'ils pensent que c'est des joueurs humains qui jouent et qui ramassent des scènes. Puis là, je débloque mes morceaux de char. Malade. Fait que là, t'as converti Mario Kart 8 Deluxe en idle game. Ouais. Nice. C'est juste dommage parce que tu peux pas, mettons, utiliser tes coins pour acheter des upgrades. Il faut qu'il y a plus de coins, puis qu'après ça, que ça fait que tes cartes ils vont plus vite, puis qu'ils détectent automatiquement les coins, puis tout ça. Tu peux juste, genre, les laisser aller, puis honnêtement, ils vont pas très vite, là. Le dernier upgrade que tu peux pogner est comme à 5000 coins. Je suis à 3100. J'ai joué beaucoup. C'est pour le long term. J'ai rentré d'ailleurs... mon micro, je suis désolé. Ah. Non, ok, c'est correct. D'ailleurs, dans la version Wii U, le dernier item il était à 10 000 coins en passant. Fait que, ben, bonne chance pour ceux qui veulent l'avoir. Mais là, peut-être que tu gagnes plus de coins. Ben, de toute façon, si tu joues online, tu vas en gagner plein. Parce que là, il faut que tu sois sérieux à Mario Kart Online. Là. Tu joues full, monté dans le leaderboard et tout. Non, je suis en train de me pratiquer pour y aller. Ben. Honnêtement, d'après moi, je tiens mon bout, mais je pense que j'ai encore beaucoup de pratique à faire. Mais c'est ça qui se discute dans le chat, là. Je pensais pas que c'était quelque chose de jouer à Mario Kart online. Moi, je vois tellement ça comme de quoi, de comme familial ou de party dans le salon. Ou... Je réalisais pas qu'il y avait une scène pour jouer à Mario Kart online. Ben, il y en avait... Le online a commencé dans Mario Kart ODS. C'était assez rudimentaire. C'était même pas toutes les maps qui étaient possibles. Puis c'était pas... C'était... Il y avait beaucoup de bugs de bonhommes qui se téléportaient un peu partout. En plus, la console était super facile à mettre des affaires craquées puis de cheat. Fait que, tu rencontrais constamment du monde qui avait infini de tortues bleues puis qui te les machine gonnait d'en face. Ou qui roulait plus vite que tout le monde. Parce que la version online était capée à 100 cc. Puis il y en avait qui réussissaient à aller à 150. T'es comme bon, ben, Sure. C'est vrai, il y avait plein de choses. Ça, j'ai une bonne anecdote. J'étais rendu tellement bon en snaking que j'ai justement rencontré quelqu'un qui roulait trop vite, qui pitchait juste des carapaces bleues, mais la personne n'avait aucun talent. Fait qu'en snakant, je l'ai quand même battu. Oh my God. C'était vraiment cool de battre un cheater, genre, ben, plus ou moins traditionnellement. J'imagine que snaker, c'est pas correct, mais c'est le jeu le permet. Il y avait juste à le faire comme il faut. Mais oui, c'est comme ça que tu devenais bon, là. C'est comme, clickette, clickette. Surtout, là, de toute façon, les gens font ça dans des FPS aussi. Le DS click, ça allait bien. Tu pouvais jouer avec deux doigts comme ça. Tu faisais clickette, clickette. Mais voyons donc. Ah, mais là. Non, moi, je me démolissais le pouce. Clic, ça clique. Puis là, tu le filais. Là, ça, ils ont changé avec le squishy D-pad. Ça, c'était pas aussi bon. Sauf que dans le fond, il y avait deux techniques. Tu avais pas le vrai snaking, mais mettons que tu as une grande curve, ben, tu fais comme trois drifts différents dans la même curve, mais toujours du même bord. T'sais. Tu continues de tourner à gauche. Tu tournes à gauche, t'arrêtes, tu retournes à gauche, t'arrêtes. T'sais, ça, c'était comme correct parce que les ghosts des développeurs, ils le faisaient. Mais c'est quand tu pognes une ligne droite, là, tu fais comme un drift à droite, un drift à gauche, un drift à droite, un drift à gauche. Ça, ouais. C'est du snaking. Puis ça, c'était stupide. Mais la piste avait assez de place pour le faire. Fait que c'était comme oui! Quand t'étais assez bon, ça t'en prenait pas tellement large. C'est ça. Click it, click it. Avec les deux doigts. Les cartes allaient hallucinamment vite. Yes. Fait qu'au moins, ils ont enlevé cette petite patente un peu stupide. Puis... Ouais, mais là, c'est ça. Ça fait bien plus de sens de dire il faut que tu gardes ta curve le plus longtemps possible sans lâcher. Ouais, fait que maintenant, ce que les gens font, c'est que peut-être qu'ils font des drifts complètement irréalistes, mais dans l'espoir d'aller chercher le drift mauve, parce que le boost qu'ils te donnent est vraiment long. Le mini-turbo à la fin de ça est vraiment long, fait que des fois, ça vaut la peine de prendre une ligne de course qui est très mauvaise, juste pour avoir le boost. Puis là aussi, c'est un risque que tu prends, parce que si tu te fais interrompre, tu fais une erreur, tu perds ton boost, puis tu avais une ligne de course vraiment nulle. Yep. Ça me fait penser, c'était. Il y avait un jeu, je pense qu'il n'est pas encore sorti, puis je l'attends encore. Ça s'appelait Drift Stage. C'était sur Kickstarter, je pense. Puis genre, le jeu, c'était juste ça. Là. C'est comme. C'est un jeu de course, mais en fait, tu fais juste drifter comme 90% de la course. Fait que c'était comme. Ça devient un exercice de. Tu t'avances, là, tu pars ton drift. Là, tu drift plus gauche, drift droite, gauche, droite, là, tu l'enlignes, là, t'es comme, puis là, t'ajustes ta vitesse parce que tu veux surtout pas lâcher le drift à jamais. J'étais rendu, il avait fait un démo, il y avait comme une piste, puis j'étais rendu full bon. Puis la musique de ce jeu-là était écœurante. Mais ça devrait faire 5 ans, là. Je pense que. Peut-être que le projet est tombé dans les oubliettes. C'est triste. Quel est le titre déjà? Je pense essayer. Que ça s'appelait Drift Stage. Puis j'en ai parlé plusieurs fois. Écoute. Moi, ça me disait quoi? Ça a été sur mes Game of the Year. Mes prédictions. Pour On a juste une vie, tu sais, nos rétrospectives, là, dans mes prédictions. Ça a été là une couple de fois. Ça fait longtemps. Fait que ça fait comme 3-4 ans comme faux. Là. Drift Stage, c'est ça. Ben, dans les dernières nouvelles sur leur site, ils ont souhaité bonne année 2018, là, fait que c'est pas si pire. Bon, il était sur Greenlight en 2014. Ah, ouais! Mais là, je devrais peut-être l'acheter. J'espère qu'ils vont le sortir en Unlimited Detail. C'est con! Sur Dreamcast. Je vais devoir peut-être vous laisser. Donc, j'ai peut-être fait l'intro, mais je pourrais pas faire l'outro, malheureusement. C'est vrai que ça. On va essayer de... On s'ennuiera pas trop. Oh non, laisse faire. Il y avait un jeu de mots qui... T'essaies de faire un jeu de mots, hein? Non. Je l'ai fait un peu, puis Non. Ignorez-le. Ignorez-le. Bon. Ben oui, toi, c'est sur Steam. Ah ouais? Drift Stage. Vraiment sorti parce que Greenlight, ça veut pas dire qu'il est sorti pour vrai, là. Ah oui, c'est vrai. Ce jeu a été greenlighté. Now on Kickstarter en 2015. Ouf, ouais. Ouais, mais bon, la page Greenlight, c'est pas... Comment qu'on fait pour avoir des news sur le Kickstarter lui-même? Ben, sur leur site officiel, ben c'est ça, il y en a pas vraiment. Là. Ils ont un Twitter aussi. En même temps, ils ont eu 57 000 sur 30 000. Ils ont réussi leur Kickstarter, mais tu fais pas un jeu avec 57 000 piastres. Tu payes un dev pendant un an. Puis that's it. Bon, on va aller voir les actualités. Novembre 2017. Bon, je lirai ça plus tard. Mais je pense que ça sonne comme quelque chose qu'il s'était trop ambitieux, puis là, ça grossit, puis... Oh là là! Est-ce que Anne-Marie t'a joué à des jeux? Ah oh, oui! Mais tu nous as-tu parlé de Glitten Mitten Grove? Non, mais je voulais en parler cette semaine si on avait le temps. Ben, fait que là, bon, on dit bye-bye ou on part tout sur autre chose. Mais ouais, merci. Tout à fait. Non, je pensais que là, vous êtes déjà parti. Mais bon, bon Glitter Mittens. Ben, je suis pas officiellement, là, fait que j'avais pas fermé la caméra, rien. Mais okay. Maintenant, c'est officiel. See you next mission. Bye-bye, bonne semaine. Vous le aussi. Jeu de mots a coupé tout le mood. Là. C'est quoi? Ouais, Glitter Mitten Grove. J'ai comme pas... J'ai pas l'impression d'avoir fini Frog Fractions 2, mais c'est pas facile à finir. Il y a comme vraiment beaucoup de trucs à trouver. Puis j'ai de la misère à trouver des guides pour trouver tous les trucs cachés. Fait qu'il m'en manque, puis il va falloir que je taponne. Mais je pense que j'ai vu comme un peu le gros de l'expérience que ça avait à offrir. Fait que pour nos auditeurs qui... Ben en fait, pour nos auditeurs qui sont pas au fait de Frog Fractions, ben allez voir Frog Fractions, puis jouez à ça. C'est gratuit, ça se joue dans un browser, puis vous devez jouer ça dans votre vie. Fait que, La meilleure méthode pour le vendre, c'est bien sûr d'écrire ce que c'est. C'est-à-dire, c'est un jeu éducatif pour apprendre les fractions. Puis là, t'es une grenouille. Puis là, tu manges des mouches. Des mouches avec des fractions dessus. Avec des fractions dessus. Puis là, en mangeant les fractions, tu assimiles les connaissances. Puis là, ton cerveau apprend les fractions. Là, tu deviens un expert de fractions, puis là, tu t'en vas battre... C'est quoi son nom? Mon Dieu, tu t'en rappelles mieux que moi. Le gars qui est mort cette semaine. Ah, Stephen Hawking? Tu t'en vas battre Stephen Hawking dans une compétition de Go. Je me rappelais pas de ça. Parce que t'es rendu, t'as tout accumulé les fractions. Et ça, c'est Frog Fraction. Ouais, puis ça continue, là, ça déboule comme jeu. Là. C'est un jeu dans un jeu dans un jeu. Pis, Spoiler alert, il n'y a pas Stephen Hawking dans le jeu. Puis il n'y a pas de tournoi de Go non plus. Mais il y a tout le reste. C'est malade. Oui. Fait que bref... C'est quoi ton high score, Anne-Marie? Je sais pas. Il y a un high score? Ben, je sais pas. Techniquement, tu peux continuer longtemps. Probablement 96 sur 12, là. Quelque chose du genre. Ah! C'est ça que tu vas dire? Là, les auditeurs, peut-être que vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'Anne-Marie vient de faire. Ça, c'était une fraction. Puis c'était une fraction quand même assez avancée. Ça veut dire qu'Anne-Marie a assimilé avec sa petite grenouille qui a bouffé les mouches de fraction, son cerveau, Anne-Marie a assimilé beaucoup de puissance. C'est une grosse fraction. Des ondes cérébrales de puissance. C'est ça. De fraction. Merci à Jean-Philippe Morissette dans le chat qui a très bien compris comment ça fonctionne. C'est de même. Là, vous le voyez pas parce que ceux qui nous écoutent en audio, là, mais je le fais avec mon bras. C'est le... Vous pouvez imaginer Narf qui capte la puissance des fractions dans les mouches. C'est ça. Mais pour vrai, essayez ça. C'est une belle expérience, Frog Fractions. Je l'ai live streamé. Oui? Ça fait longtemps. C'était un de mes premiers streams, je pense. J'étais comme, bon, je veux faire ça, moi, du streaming. Qu'est-ce que je pourrais... Ah, je vais streamer Frog Fraction. Quelle belle opportunité. Ouais. Mais bref, c'était tellement unique comme jeu que les gens ont demandé souvent au gars, tu vas-tu faire un Frog Fractions 2? Puis la grosse joke, c'est que le gars a fait un Kickstarter pour Frog Fractions 2. Puis ça réussit, il a réussi à obtenir de l'argent. Puis il a dit aux gens, je fais le jeu, j'ai fini le jeu. Et là, je vais sortir le jeu, mais je vais le cacher dans un autre jeu, puis je vous dis pas c'est quoi. Ben, déjà, le Kickstarter, en partant, te disait pas grand-chose. Ça disait juste, Frog Fractions 2 va apparaître à mon nez, peut-être. Mais c'est ça, il fallait pas que ça spoil. Bref, c'était très rassurant. Le gars, il disait, donnez-moi de l'argent. Oui, c'est ça! Et je vais un jour, pas vous le dire que j'ai fini. C'est ça. Un jour, faire vous, le jeu. Pas vous l'envoyer, puis je vais vous laisser patauger. Je sais pas, ça a pris combien de temps au monde pour le trouver, là? Ben, le jeu était pas fini à ce moment-là, fait que ça y a pris... Lui, ça y a pris... Frog Fractions 2 a été en développement pendant comme 2 ans, comme faux. Oh, quand même! Puis il y a eu tout un ORG épique. Ah oui? Là-dedans. Déjà, dans la vidéo du Kickstarter, il y avait comme des espèces de glitch avec des indices qui te permettaient d'aller trouver d'autres informations, puis là, de fouiller. Puis les gens se faisaient ils s'organisaient pour résoudre les énigmes full intense. Non, c'était assez intense. Puis le gars a fait une présentation, je pense que c'est sur YouTube ou sur GDC Vault. Il a fait une présentation où il explique tout ce qu'il a fait, puis comment... Au GDC? Ouais, genre... Malade! Pour expliquer, genre, comment faire pour mettre du mystère dans les jeux. Comment faire pour rendre ça intéressant, puis rendre ça mystérieux, puis lui, il prône un peu ça, il dit, genre, tu sais, c'est important que le jeu, comme, que le joueur soit capable de jouer, mais après ça, t'as pas besoin de tout y dire, genre, cacher des affaires secrets pour de la découverte, c'est quand même cool. Puis, ben, Frog Fraction, c'est rien que de ça, genre. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas te rendre assez loin dans le jeu parce que tu vas creuser assez pour découvrir tout ce qui est caché dans le fond? Fait que... Genre, t'as-tu cool. fini le 1? Ouais, mais ça fait vraiment longtemps, là. Je me rappelle pas tant. Faudrait vraiment j'y rejoue. Mon live stream, vu que ça te permet d'aller plus vite. Là. Ah ouais, peut-être. De skipper puis de voir les bouts pour voir si t'as... Genre, à la fin, tu fais de la porn. de bibite, j'étais comme qu'est-ce que c'est ça? Mais ça mélange plein de styles de jeu, c'est ça? Ben, le 1, ouais. Ouais, c'est j'ai ça. Ben, le 2 aussi, là, je veux dire. Ben, sans doute. Le problème, c'est que moi, je comprends pas comment le 1, ce qui était drôle, c'est que tu t'y attendais pas. Mais là, le 2, tu t'y attends. Et comment ben... faire quelque chose en fait, que tu t'y attends pas quand tu t'y attends. Les premières personnes qui ont acheté ce jeu-là sur Steam s'y attendaient clairement pas, là. Parce que personne qui savait Frog Fractions 2 il allait être où, là. Fait que c'est vraiment qu'à un moment donné, quelqu'un jouait à ce petit jeu-là qui est comme... qui a de l'air très inoffensif, tout mignon, tout cute. Puis là, je trouvais que ça commence à être long, mais dans le fond, je me suis pas spoilé sur comment trouver Frog Fractions 2 dans Glitter Mitten Grove. Je dis les noms là, parce qu'on les a pas dit souvent. Là, donc, si vous voulez jouer le jeu qu'il faut acheter, ça s'appelle Glitter Mitten Grove sur Steam. Pis c'est un jeu de fées. C'est des petites fées qui habitent dans des arbres. Ça a vraiment l'air de rien. Là. Fait que c'est ça, je me suis pas spoilé. Puis dans le fond, je savais qu'il y avait des gens qui avaient joué à Glitter Mitten Grove en masse puis qui n'avaient pas trouvé Frog Fractions 2. Puis pour vrai, ça m'a pris du temps parce que je voulais pas me spoiler. Fait que c'est ça, j'ai pas cherché. Fait que là, je me disais... C'était cool parce que là, je jouais à ce jeu-là de management de colonies de fées dans des arbres, avec un cycle de saisons, puis avec des ressources à manager, puis des unités à manager, puis... sauf que je savais pas, tu sais, le jeu, est-ce que j'allais le débloquer au moment où j'allais atteindre un certain niveau, au moment où j'allais atteindre un certain nombre de populations dans ma ville de fées, est-ce que j'allais le trouver physiquement, géographiquement, est-ce que c'était un trésor à trouver quelque part, donc juste comme le jeu de dire, genre, là, je joue à ça, quelque part, à un moment donné, je vais débloquer quelque chose, ça, c'est quand même cool, puis c'est ça, c'est que les premières personnes, à un moment donné, ils ont trouvé quelque chose dans le jeu, puis ils ont fait genre, wow! OK, pourquoi ça part un autre jeu? OK, toutes les graphiques viennent de changer. Qu'est-ce qui se passe? Puis, c'est clair qu'ils ont dû capoter, là. Mais est-ce que c'est le fun? Ben oui. Le jeu de management. C'est le fun au début. Je commençais à trouver ça long. Parce que ça... Combien d'heures j'ai joué? J'allais pas d'ouvert. Hein. Mais tu sais, j'ai joué comme un bon 2 heures avant de le trouver, mais c'est parce que je savais pas où chercher non plus, là. Donc, si vous aimez pas le jeu de management, je vous dis, au pire, allez vous spoiler sur comment trouver le jeu dans le jeu, là. Parce que comme, avoir su que c'était ça, j'aurais comme peut-être poussé dans cette direction-là un peu plus vite. Paraît qu'il y a deux méthodes. Ah, je savais pas. Il y a une méthode raccourcie, puis il y a une méthode un peu plus, mais que genre, ouais, tu le découvres par hasard. Oui, ouais, j'ai fini par le trouver par hasard, là. Ouais. Je me souviens plus c'était quoi. Mais non, mais le jeu de management, il est quand même cool, là. Pour vrai, c'est juste que, genre, moi, j'ai de la misère à jouer des petits jeux de management comme ceux qui ont comme pas de but, pas d'histoire, puis que ça... Tu mettons, ta ville de fées fait juste comme grandir, grandir, grandir, puis là, tu te dis, à un moment donné, ben, c'est quoi l'objectif de ça? C'est quoi la fin? Tu vois comme pas la fin dans le jeu. T'as juste, genre, de temps en temps, t'as une fée qui te donne des objectifs, genre... Ah là, t'as 5 fées dans ton village, ben essaye d'en avoir 10, puis essaye d'en avoir 15. Puis... C'est juste, tu suppose que ça t'amène, mettons. Mais as-tu besoin d'un but? C'est pas un idle game, ben... Non, je m'en doute, là, mais... Pas c'est... tant, parce que t'as quand même plusieurs affaires à faire, puis il y a un cycle de saison qui avance quand même assez vite, fait que, mettons, faut que tu t'enlignes l'été pour qu'il ramasse de la bouffe, parce que quand l'hiver arrive, il y a plus de bouffe, il y a plus de feuilles dans les arbres, puis là, toutes mes fées, ils mourraient de faim. Fait qu'il faut que tu manages tes ressources, là. Hein? Sans cœur. Ben là, j'étais tellement triste. Là. Ces filles qui dépendent de toi. Ben oui. J'ai micromanageais pas assez, puis là, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait plus de bouffe, puis que c'était rendu l'hiver. Puis faut que tu manages le soleil aussi, l'ensoleillement. Fait que si tu fais pousser de nouvelles plantes, ou si justement t'as des plantes à fruits à quelque part, ou t'as des... Tu fais des constructions, il y a des constructions qui doivent ramasser du soleil pour faire des sparkles, qui sont comme tes points de magie. Là. Mais ça, faut que tu manages. S'il y a un gros arbre qui pousse à côté, parce que les arbres, ils poussent à l'infini, s'il y a un gros arbre qui pousse à côté puis qui fait de l'ombre à ton truc qui fabrique des sparkles, ben, il ne fabriquera plus parce qu'il n'y a plus de soleil. Fait que... Non, c'est quand même... C'est un jeu de management intelligent. Là. C'est pas un jeu qui a nécessairement l'air d'un front. Là. Ça mais, pourrait vraiment être un jeu. Mais en fait, je pense que c'est parce que c'était ça. C'était ça oui, l'affaire, je pense c'est que il a demandé comme à un de ses amis qui travaillait sur ce jeu-là, il dit « Hey, ton jeu, il est genre, je peux-tu comme t'emprunter ton jeu pour cacher un autre mon jeu dedans? » Puis l'autre aurait fait comme « Ouais, sure. » J'imagine qu'ils se sont comme partagé les revenus d'une certaine manière pour dire genre « Ben là, tant de revenus va à toi, tant de revenus va à moi. » Enfin, j'imagine parce qu'il y a du travail sur ce jeu-là quand même. C'est ça, c'est un vrai jeu. Il y a des commentaires sur Steam de gens qui étaient comme fâchés qu'il y ait quelque chose, que ça déclenche quelque chose d'autre. Ouais. Non. Mais je sais pas si tu peux continuer à jouer. Ben, mais oui, j'avoue, mais c'est ça, si t'apprécies le jeu avec les fées puis le management puis tout, je pense que tu peux pas revenir en arrière. Genre, d'un coup, que tu découvres Rock Fractions 2, tu peux pas faire comme « qu'est-ce que c'est ça, ce marde-là? Moi, je veux retourner à ma forêt avec mes filles, s'il vous plaît. » Je pense que si t'as cliqué sur le piton, c'est trop tard. Peut-être qu'ils pourraient rajouter cette option-là pour dire... Ben, peut-être, pour le monde qui apprécie ça. Parce que c'est vraiment pas un mauvais jeu. C'est juste que je sais pas comme la finalité de ça. Là. À un moment donné, je commence à avoir atteint les limites de la map aussi. Fait que... Ah ouais, ben c'est peut-être pas le... Peut-être pas faite pour être si gros que ça non plus. Là. Ouais, c'est ça. Mais il y a vraiment moyen d'avoir du fun pendant un bout de temps. Là. Mais ouais, c'est vrai, un coup que tu sors de là. Ouais. Ah, mais les mini-games, là. Fait que c'est. Ouais, contrairement à Frog Passions 1, si je me rappelle bien, j'avais l'impression que c'était comme un enchaînement de plein de jeux différents, que tu Ouais. basculais de l'un à l'autre, puis ça faisait comme un. Comme si c'était linéaire. Tandis que là, Frog Passions 2, t'as plus un main jeu où tu te promènes, puis tu vas trouver des mini-games, puis après ça va te ramener dans le jeu principal. Puis tu trouves un autre mini-game, ça te ramène dans le jeu principal. Fait que t'explores comme le jeu. Fait que ça veut pas dire que tu vas trouver les mini-games dans le même ordre, je pense. Ou, ah, peut-être. Peut-être. Parce que y a un... c'est un peu... C'est tout en ASCII, genre l'espèce de monde principal, là, ce que moi j'aime beaucoup comme, identité graphique, mettons, là, parce que ça me rappelle Dwarf Fortress, puis j'aime ça, là. Mais tout est en ASCII, puis t'es un petit bonhomme ASCII. Puis c'est un peu comme si c'était Zelda, genre, que... Là, au début, t'as des obstacles, tu te promènes, puis là, t'as des obstacles parce que t'as pas, genre... Il y a le classique, y a la porte est rouge et tu n'as pas la clé rouge. Là, t'es comme, ah, oh, fuck, Ah je trouve la oui, clé rouge. comme Puis il dans m'en donne Commander Keen. Ah ouais? Et Ouais, ça, oui. c'est, ouais. C'est si classique, là. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, probablement qu'il y a un ordre, quand même, pour trouver des trucs, mais c'est ça, où est-ce que je t'ai rendu? J'étais comme... J'avais pas mal fait le tour. Je savais pas trop comment progresser plus loin, puis c'est ça, j'ai eu de la misère à trouver sur Internet comme un guide pour me dire, là, c'est quoi la prochaine étape. J'avais l'impression que les gens faisaient juste comme la liste des trucs que tu peux trouver, sans nécessairement donner un ordre. Fait que, dans le fond, peut-être qu'il y a pas un ordre. Je suis pas sûre. Peut-être que tu peux tout trouver pêle-mêle, puis ça dépend qu'est-ce que t'as décidé d'explorer en premier. Mais, ah ouais. C'est J'essaie de me weird. rappeler des minigames, là. Je pense que le plus drôle minigame, c'est. Ah, je sais pas. C'est un peu spoiler. Je spoil-tu des minigames? C'est, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je veux dire, on a déjà spoilé tout Ouais. le Plus pour vous jeu. donner envie de jouer, là. Ouais. Fait que t'as un simulateur de ton coloc qui est un xénomorphe. Puis tu veux qu'il déménage, que fais-tu pour faire déménager ton coloc, le xénomorphe? C'est juste Xenomorph, fucking con. c'est-tu les bébites dans le film Alien? Oui, c'est ça. Oh. Fait que faut que tu fasses des trucs de coloc tannant, genre réorganiser le frigo, puis des trucs vraiment épais comme ça, jusqu'à ce qu'il soit assez énervé, qu'il fasse comme OK, de bord, je renouvelle pas, je m'en vais. C'est tout. Puis pendant ce Et c'est ça, temps-là, tu... est-ce qu'il plante ses œufs dans ton ventre? Non, mais il en plante à des places. Je pense que tu peux aller gosser dedans aussi, c'est dans les options, là. Mais tu sais, c'est tellement genre comme, play. Il rentre dans sa chambre, puis il voit que t'es dans sa chambre, puis il est comme, ben là, dude, qu'est-ce que tu fais là? Il est comme, ah, rien. Tu t'en vas. Comme si c'était déjà tout à fait normal. C'est vraiment, vraiment drôle. Et là là. C'est tout cute. Je hein? Il me semble que j'aurais pas utilisé l'appellation cute pour parler Ouais, des peut-être pas. xénomorphes dans. Mais c'est un xénomorphe en pixel, là. Il est mignon. Ben, Ah. je pense qu'il y a une calotte pis du linge de collégien. C'est ton Oh my god. coloc! T'es genre au cégep avec un xénomorphe! Tu peux foutre le bordel dans ces... Il y a des textbooks, là. Je pense que c'est des livres de loi, genre. Ah, fait qu'il est, il est un étudiant en En loi, droit, genre. en droit. Ah. Est-ce que tu peux est-ce que qu'est-ce que je voulais dire? J'allais dire quelque chose de C'est très un coup que tu pertinent. finis, mais t'es comme rebalancé dans l'espèce de hub world un peu, là. Puis là, c'est à toi de faire des trucs là-dedans, puis découvrir d'autres minigames. Fait que je sais pas s'il y a une fin, j'imagine, quand de tout trouver, peut-être. Mais c'est comme, c'est si pas clair, là. Genre, dans le jeu de ASCII, tu sais, ça commence de genre rien, rien, rien, rien, là. T'es juste toi, puis tu te promènes. Puis là, comme, à un moment donné, ah, t'acquiers une épée. Puis, ah, t'acquiers... Ou des fois, c'est juste t'acquiers une fonction, là, genre. Ou une partie du menu. Ou, tu sais, c'est vraiment comme un mini-jeu qui se build peu à peu, que tu découvres des trucs, là. Mais c'est vraiment cool. Eh ben. Ouais, c'est hot. Fait que ça vaut la peine d'acheter un petit jeu de filles sur Steam pour découvrir Frog Fractions 2. c'est n'importe quoi. Je trouve ça drôle parce qu'à chaque fois que tu dis un jeu de fées, moi j'entends un jeu de filles. Je trouve ça bizarre. J'avoue que ça a peut-être l'air d'un jeu de filles aussi, un peu, là. Mais non, pour avoir été obligé de jouer au jeu de management de fées pendant comme 2 heures, c'est quand même un bon jeu de management de fées. Hein. C'est correct. Là. C'est le prochain jeu de parc d'attraction. Roller Coaster Tycoon, mais avec des fées. Ouais, peut-être pas. Hey Anne-Marie. Oui. Ça te tente-tu de parler de level design? Oui! Mon Dieu! Je tente d'enthousiasme. Non, mais c'est parce que j'ai vu ta section sur la feuille de route, en fait. Fait que je sais de quoi tu veux parler. Ah! Ça va me faire plaisir. Toi, tu veux parler de Warframe. Ouais, c'est ça. Toutes les excuses sont bonnes pour parler de Warframe. T'es vite. Malheureusement, j'ai pas rejoué encore depuis. Mais c'est correct, là, je me disais, il faudrait qu'on... Je pensais au Discord dont on a juste une vie, puis je me disais, on pourrait s'organiser une soirée qu'on joue à Warframe, toi puis moi, puis le monde qui sont disponibles, puis que ça leur tente, genre. Sur Discord, ça pourrait être cool. On pourrait tuer des bibittes. Ouais, c'est juste, je me disais, il faudrait peut-être avertir les gens d'avance, parce que c'est un jeu gratuit, mais c'est un méchant gros download. Fait que tu peux pas faire, ah, ben je veux jouer à soir, paf, je le download, je l'ai, là. Non, faut que tu planifies. Ben, à peu près tous les jeux maintenant, c'est comme ça, là. Faut que tu... Ben, Frog Fractions, c'est pour ça que je vous le dis, là, à tout le monde dans l'audience, là. Frog Fractions, vous pouvez jouer direct, là. Pas de download dans votre browser. Ouais, le 1. Ah oui, le 1, c'est un jeu Flash. Ouais, oui. Dépêchez-vous, là, parce que Flash, il va péter bientôt, là. Oh my god! Faut pas qu'on perde Frog Fractions. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais il y a sûrement moyen de faire des archives de tout ça. Ça me stresse full. Genre des jeux vraiment hot qui sont en ligne. Puis aussitôt que les serveurs meurent ou que c'est plus supporté, ben on les perd. Puis c'est super triste. Ben la plupart des jeux Flash, je suis sûr qu'on peut penser à des jeux qui sont plus trouvables parce que c'était des jeux Flash. Ouais, que d'habitude, des jeux Flash, il y a toujours un paquet de sites chinois puis de louches qui ont fait des clones. Puis pas des clones, mais des copies. Donc, ils ont juste poigné le fichier et l'ont mis sur leur propre serveur. Mais genre, ça serait cool qu'il y ait un moyen de copier ça pour qu'on puisse jouer. C'est le Flash Player, c'est le plugin Flash qui va bientôt. Mais j'imagine que tu vas quand même pouvoir, je sais pas, installer une vieille version d'un browser ou installer quelque chose. Ça va être plein de failles de sécurité, mais bon. Mais on serait-tu capable de le downloader? Downloader le jeu? Un jeu Flash, ouais. Puis le mettre dans une... Ouais, ben, je veux dire, il existait... Adobe faisait ça. Jouer offline. Ouais, c'est ça. Tu pouvais avoir un player, le Flash Player, qui était comme un truc EXE que tu pouvais ouvrir. Ah. Puis là, tu pouvais domper un fichier Flash dedans, puis là, ça le faisait jouer. Ça serait cool, ça. Pareil comme dans ton browser. Ben, il pourrait... Je pourrais faire, je sais pas, ça doit exister. À réfléchir. Ah, t'es cas. On a du monde hype dans le chat pour discuter de Warframe, là, fait que... Je sais pas, ça doit faire 3 podcasts de suite en plus que j'en parle. Excusez. Mais là, c'est à toi. Un jeu de shooter dans lequel on tue des bibittes. Et c'est gratuit. C'est à peu près tout ce que je sais du jeu pour le moment. Après ça, Anne-Marie nous a dit plein d'affaires dans le podcast, mais je ne les ai pas encore vues. Bon, mais là, tu voulais quand même parler de level design, fait que tu as quand même vu des affaires. Ouais. J'ai remarqué des affaires. J'ai pas eu la chance souvent en tant que game designer de faire du level design bien, bien souvent dans ma vie. Puis là... j'ai un peu un enfer à la job, mais c'est comme du level design pas pareil. Fait que là, ça m'ouvre les yeux un petit peu sur le level design. Ça, puis comment ça s'appelait là? Ben, quand on jouait à Portal 1 puis 2, puis 30 Flights of Loving. Il y avait des tu pouvais refaire le jeu, puis là, il y avait des commentary nodes. Ah, ok, un genre de director cut du jeu. Puis là, ça t'apprend plein de choses sur le level design. Genre, ah, je voulais que le joueur, il voit ça. Fait que quand il arrive, je veux qu'il voit ça. Fait que j'ai mis un escalier, comme ça, ça le force à regarder par en haut en montant l'escalier. Fait que là, il va voir le plafond de la salle. Pis ça, là, c'est toutes des affaires qu'on remarque pas là, dans les jeux. Là. Mm-hmm. Mais que c'est tout le temps ça. C'est très souvent ça. C'est comme, à chaque fois qu'il y a des dénivellations ou des corridors ou des... Tu sais, Half-Life 1. Combien de corridors en S que t'es passé dedans que ça save dans le milieu? Ah ouais. Parce que ça, c'est ça. C'est que ça, quand tu tournes le coin du corridor, ça te permet de déloader. Tu ne vois plus ce qui s'en vient. Tu ne vois plus d'où est-ce que t'étais. Et tu ne vois pas où est-ce que tu t'en vas parce que c'est un S. T'es dans le S. Et là, ça leur permet de déloader la section d'en arrière pour loader la section d'en avant. Et là, c'est malade. Ouais. Bon. Fait que ça, c'est le level design qu'on peut observer. Mais ça, c'est du level design de base. Puis genre, bon, je dis pas que j'ai remarqué des affaires si fancy que ça, là. Mais dans le tutorial de Warframe, il y avait ce genre de choses-là. Puis je me suis... Ah oui? Par exemple, dans les jeux, souvent, je me souviens d'avoir, mettons, dans Halo, les développeurs de Halo disaient tout le temps, tu sais, tu fais ton level pour qu'il y ait comme deux chemins, ou ta map multiplayer pour qu'il y ait deux sections ou trois sections. C'est comme, il y a la zone safe, il y a la zone moyen safe, puis il y a la zone pas safe. Puis genre, faut que le level design te communique par l'éclairage, par la géométrie, par les objets. Genre, ici, c'est safe, ici, c'est pas safe. Bon, tu sais, les jeux multiplayer, souvent, ils vont mettre que t'es dans une section bleue, après ça, t'es dans la section milieu, puis après ça, à l'autre bout, c'est la section rouge, là, ça, c'est la base ennemie, là, t'es en train d'aller capturer le flag. Fait que ça te permet de savoir, ben, ça te permet d'un, savoir t'es où, mais surtout, ça te permet de, comme, d'avoir le sentiment que c'est safe ou pas. Puis dans Halo, il paraît qu'il y avait beaucoup de ça, où ce que c'est comme... T'avais des fois plusieurs chemins, ou des chemins qui sont comme plus lents, mais des chemins plus rapides, avec des raccourcis, mais qui sont plus tough. Fait que tu pouvais... Puis, en tout cas, dans le tutoriel de Warframe, on s'entend que c'est pas... Ils ont streamliné ça vraiment bien, parce qu'ils veulent que ça soit comme facile et agréable et... bon, comment on dit ça, des gens? Donc ça file bien, là. Que ça feel good, parce qu'ils veulent que tu continues de jouer, évidemment. Mm-hmm. Ils veulent pas t'envoyer quelque chose de vraiment tough puis plate dès le début, ou quelque chose de overwhelming dès le début. Fait qu'ils ont une approche que je trouvais vraiment intéressante en tant que jeu free to play. C'est comme, ils veulent te montrer que c'est un jeu qui a beaucoup de profondeur. Fait que là, ils t'unlockent les weapons petit peu par petit peu. Mm-hmm. C'est comme, au début, c'est comme tu sors de la première salle, puis là, t'as une table avec deux armes. Là, t'as le choix. Tu veux-tu le bâton plus melee, ou tu veux le gun plus range? Là, tu fais, OK, sure. Fait que là, tu fais ton premier choix. Si t'avais montré, je suis sûr que le jeu, il y a genre 100 milliards de guns, puis 100 milliards d'armes de toutes sortes. Ouais. On va juste en choisir deux, parce que notre cerveau est pas très bon pour choisir parmi beaucoup de choses, puis comparer, ça nous fait paniquer, puis ça nous fait sentir mal. Fait que là, le jeu est comme, dingue, il y en a juste deux. Casse-toi pas le basic, il y en a juste deux. Fait que là, tu choisis. Là, tu tues des ennemis, puis là, ben... Tous les ennemis dans ce niveau-là meurent en une balle ou en un shot ou n'importe quoi. Fait que là, tu te sens good. Puis là, tu sens que ton arme est bonne. Là, c'est cool. Est-ce que t'as-tu remarqué ces choses-là? Ben, on dirait que je m'en rappelle pas tant. J'ai l'impression d'avoir passé à travers comme tellement vite. Ah, mais là, c'est sûr que c'est moi qui ai gossé full. Ce level-là, là. C'est moi qui ai gossé full, là. ça fait longtemps, en plus, toi. Ben non, là, ça fait genre deux semaines, là, mais... Ah. 3 semaines peut-être. Ah, ok. Ah, ça m'a vraiment pas marqué comme ça, mais c'est vrai qu'il te montre les mécaniques une par une. L'affaire que moi je me rappelle plus parce que j'ai joué plus après, c'est qu'à un moment donné, il arrête un peu de te montrer les mécaniques, puis là, tu comprends plus, genre, c'est quoi, toutes les pitons puis toutes les affaires qu'il faut que tu fasses. Le tutoriel, malheureusement, il est comme vraiment limité, puis c'est là que tu vois que le jeu a énormément évolué depuis qu'ils ont mis un tutoriel, Ben, on m'a dit que le tutoriel, il était pas comme ça avant. Fait qu'ils ont fait Alors, un nouveau tutoriel. sûrement que ça aussi l'ont amélioré, là, mais il y a beaucoup de systèmes dans le jeu qui n'ont pas nécessairement de tutoriel. C'est pas très très clair. Ouais. Mais Peut-être. tu sais, le fait que les monstres meurent vite puis que c'est satisfaisant de les tuer, j'ai l'impression que ça reste quand même j'ai l'impression que le but du genre le design du jeu, le but, c'est que ça file bien, que ça coule bien, que justement que les monstres sont rarement vraiment durs à tuer. Ben, ouais, là, plus loin, là, mais comme des monstres normales, ça meurt assez vite, mais t'en as plein. Fait que, faut que tu passes à travers. Faut que tu passes à travers beaucoup d'ennemis, mais facile. T'sais, fait que ça file bien parce que t'as un peu de power fantasy d'être capable de. Ouais, au début. Ouais. C'est ça, parce qu'il... Mais non, mais il essaie de garder tout le temps un peu ce power fantasy-là. Fait que même si t'as des units plus forts, plus tard. T'as quand même des petits units poche. Fait que tu Ah, peux quand même ramener à travers un paquet de bébites puis avoir ouais. ton petit power fantasy, là. Le... Puis le déplacement file tellement, tellement smooth. Ah ouais, ça va vraiment vite. Ouais. C'est pas réaliste en tout, là. Non, non, non, non. Ben, t'es comme pas tout le temps en full gravité non plus. Fait que ça rajoute peut-être au fait que ça fait plus de sens, là. Ouais, I guess. Comme on dirait que ton bonhomme n'est pas tant affecté par la gravité, mais comme quand t'es sur Mars, tu dis c'est normal, mais quand t'es sur la Terre, ça l'est pas vraiment, mais c'est pas grave. Who cares? Ah, c'est ça. Et c'est le but, t'es un space ninja. Genre, c'est le but que tu te sens comme un space ninja. Là. Tu cours partout, tu sautes partout, tu vas super vite, puis tu pètes des affaires facilement. T'sais. Je me demandais justement si ça dépend-tu du bonhomme qu'on choisit? Parce qu'ils te font quand même choisir, tu sais, au début, ils te font choisir parmi 3 bonhommes. Oui. Là, tu as la cutscene d'intro, tu vois le méchant qui, là, tu y tires dessus avec ton laser. Là, après ça, tu choisis parmi 2 armes. Puis là, plus tard, tu choisis encore parmi 2 armes. Fait qu'au Mais final. ça a quand même un impact parce que ça peut te prendre du temps à débloquer les autres, là. Ouais, je m'en doute. Mais tu sais, au final, ça veut dire que tu as fait. Le nombre de possibilités différentes était quand même assez impressionnant. Après un level, ils t'ont fait choisir parmi 3. Après ça, 2, ça veut dire 3 fois 2, ça fait 6 fois 2, 12. Fait qu'il y a 12 combinaisons possibles différentes. Ça change ton gameplay pour de vrai, là. C'est ça que je me demandais, c'est ça. Parce que moi, j'étais comme. J'avais vu quelqu'un jouer un peu sur Twitch. Puis là, je voyais qu'elle sautait partout, puis elle allait Oh, full vite. mais ça, tout le monde le fait. Ouais, ben moi, tu vois, je suis comme, oh, je suis pas sûr que je vais aimer ça, moi, sauter partout puis aller vite, parce que genre, c'est comme genre Genji ou les bonhommes comme ça dans Ouais. Overwatch, j'aime pas trop ça. J'aime mieux être un petit peu plus lent puis avancer un petit peu plus méthodiquement, ou parce que quand je fonce dans le tas, je me fais tout le temps tuer. Fait que j'ai appris que les jeux, genre, ils me disent, avance pas trop vite, reste à distance, snipe le monde, fais des headshots. Fait que c'est plus mon genre de bonhomme. Mais ça se joue comme ça. Je dirais que je joue plus méthodiquement quand je joue toute seule. Parce Ah ouais. que ce qui arrive aussitôt que tu joues en ligne avec du monde en ligne qui sont super habitués, ils font juste courir vite tout partout, puis ils font les objectifs super vite. Puis genre, le point d'extraction, il ouvre, puis t'as rien vu passer. Fait que ça m'arrivait vraiment beaucoup au début. Fait que c'est pour ça que maintenant, quand je joue avec d'autres joueurs, ben là, je me suis vraiment pratiqué pour avancer vite puis être capable de les suivre. Juste capable de suivre le restant du monde puis d'arriver aux objectifs en même temps qu'eux autres. Mais c'est ça, les joueurs qui sont habitués sont rarement vraiment méthodiques, là. Mais là, je commence à être rendu plus loin, puis là, je vois que le monde, comme, ils prennent peut-être un peu plus leur temps, ou c'est peut-être parce qu'au début, tu sais, quand t'arrives dans un jeu qui est là depuis longtemps, quand tu fais les zones du début, qu'il y a des joueurs, comme, plus expérimentés qui viennent les refaire pour peut-être ils ont besoin de farmer quelque chose, ben, ils font juste courir. Puis là, tout t'es pas assez hot, puis tu vois rien passer. Tandis que là, peut-être que j'arrive au contenu assez dur pour que même les joueurs expérimentés, ben, ils le font pas en courant parce que justement, s'il y a gros toute la pièce, ils vont se faire péter. Fait que ouais, mais je dirais qu'au début, de toute façon, ça m'a pris un bout de temps avant que je vois comme... Avant que je trouve que c'est essentiel de jouer avec d'autres joueurs. Là, souvent, c'est si je suis vraiment pas capable de seul, là, je vais me mettre en queue avec d'autres gens. Mais sinon, je crois qu'il y a quand même... Si t'es méthodique, il y a quand même moyen de faire pas mal d'affaires tout seul. C'est juste que ben tu vas passer à travers l'émission moins vite. Tandis que si t'es avec un paquet de monde qui te carry puis qui font tout super vite, ben la mission va finir. Puis tu vas avoir comme les récompenses de mission plus vite, mettons. Fait que peut-être que le monde qui farm beaucoup, ben il préfère faire ça. Mais juste comme pour le plaisir, puis justement pour faire l'expérience du level design, puis pour apprendre le level design aussi, parce que sur chaque planète, puis pour chaque comme civilisation d'ennemis, les niveaux sont pas tout à fait pareils. Oui. Non. Non. Parce que, mettons, là, sur une planète, t'as-tu le temps de te rendre jusqu'à voir comme la planète Terre, puis voir qu'il y avait un paquet de points sur la planète Terre où tu peux aller faire des missions? Ouais, je pense que c'était à peu près là que j'ai arrêté. Ouais, je pense que chaque mission sont déjà... ils sont déjà définis. Je pense que oui. Mais tout est randomisé, genre les objectifs, ils vont pas apparaître au même endroit. Puis les layouts, ben, c'est ça, d'une position à l'autre que tu es sur la Terre, par exemple, le layout va changer. T'sais, il va y avoir des morceaux de layout qui vont se ressembler, comme des structures qui vont se ressembler, mais c'est ça, les objectifs ne seront jamais à la même place. Puis des missions qui apparaissent comme... Il y a tout le temps genre des missions qui sont là pour un temps limité, que tu peux faire à un endroit ou à un autre. Les autres aussi, je pense que c'est un peu randomisé. Dans le fond, ça prend comme les mêmes éléments, puis ça génère comme une nouvelle, nouvelle carte avec. Puis c'est ça, les objectifs... dépendamment du type d'objectif, là. Si ton objectif, c'est juste de tuer des monstres, ben, tu te promènes puis tu tues des monstres puis tu remarques pas la map, là. Mais si ton objectif, c'est d'aller capturer des trucs différents dans la map, ben oui, ils peuvent être randomisés. C'est ça. Tu disais, il y a des éléments qu'on reconnaît. Ça, c'est une autre affaire que j'ai remarqué, puis, en tout cas, qu'il y avait dans la map du tutorial, là. Oui, on parle, là, puis là, on a de la misère à parler parce que là, on lit les commentaires des gens dans le chat. Oui. Il y a quelqu'un, Lunabit dit qu'il y a quelqu'un sur Steam qui a joué à ce jeu-là pendant 3470 heures. Je tiens à dire que c'est plus d'heures que j'ai joué à HOTS. C'est aussi plus d'heures que j'ai joué à mon jeu Lightbot. Mais c'est moins d'heures que j'ai joué à Clicker Heroes. C'est ça, j'avais atteint le 10 000. Mais moi, je pense tout le temps, les heures de Steam, je prends ça avec un grain de sel, là, parce que... Des fois, on laisse le jeu ouvert. C'est ça. T'sais, tu laisses le jeu ouvert tout le temps. Fait, ouais. Mais c'est quand même un bon bout, mais t'sais, ça fait 5 ans que le jeu est sorti. Fait que s'il laisse pas mal tout le temps ouvert. Ouais. Bref. Oui. Le level design, puis là, tu parlais de morceaux de level qu'on reconnaît. Puis c'est drôle parce que justement... J'avais testé le jeu de quelqu'un d'autre, puis là, il m'expliquait son level design, puis il me disait genre, « Ah, tu vois ici, j'ai mis quelque chose pour attirer ton attention pour que, quand tu reviens, que ça soit mémorable dans ta tête. C'est comme assez différent pour que tu t'en souviennes, pour que quand tu vas revenir plus tard, parce qu'il y a du backtracking, puis tu vas faire la même, tu vas reconnaître la place. » Ah! Il avait mis comme un gros squelette de monstre. Si tu pouvais pas... T'arrives à une place, il y a une porte... Tu peux pas rien faire, fait que là, tu es obligé de revenir. Puis tu vas revenir là plus tard. Puis pour t'aider à reconnaître la place, il avait mis un gros squelette d'une bibitte. Fait que là, tu reviens plus tard, puis tu fais comme « Ah! C'est le gros squelette. Ah oui, je suis venu ici, je reconnais. » Puis dans le level design de Warframe, je reconnaissais des morceaux comme ça. Maintenant, il y avait comme une espèce de gros réacteur lumineux qui tournait. Puis là, tu vois ça, tu fais comme « Ah, que ça fait? » Bon, ça fait rien, mais tu le remarques. Fait que là, tu t'en vas explorer un corridor, tu te bébites, puis là, tu reviens. Puis là, tu fais « Ah, c'est le gros réacteur. Je reconnais que je suis revenu ici. Je me retrouve. » Puis ça, c'est souvent... Les roguelikes ont de la misère avec ça. C'est pour ça qu'ils te mettent une carte avec des... Ouais, parce que c'est trop pareil, des fois. Parce que tout est pareil. Ou les Diablo, je pense. En tout cas, moi j'avais joué à Path of Exile, c'était un peu comme ça. Tu sais pas vraiment Tu utilises la carte, là. Tout ça, fait que tu utilises la carte. Alors que là, tu étais quand même capable de te retrouver, genre juste avec ton... Ouais, ça m'a pris du temps avant de devoir ouvrir la carte. En fait, quand j'ouvre la carte, en général, c'est parce que il y a des niveaux où faut que tu trouves des trucs cachés. Puis là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour puis j'ai pas trouvé le truc caché. Fait que là, j'ouvre la carte pour essayer de voir où est-ce que j'ai pas exploré. Mais tu vois, ça, je faisais ça dans Diablo puis dans Path of Exile aussi, là, juste pour voir, genre, est-ce qu'il y a comme une porte que j'ai pas ouverte ou quelque chose. Mais sinon, non, ben c'est sûr que les objectifs, ils t'apparaissent. Les objectifs te mènent de porte en porte. Je sais pas si t'as remarqué. Aussitôt que tu franchis une porte, comme la direction de ton petit indicateur de quête, il change jusqu'à la prochaine porte. Ouais, ils ont mis des... Je pense qu'ils ont mis des... Ils ont mis littéralement un système de... Comme un chemin. Fait que quand t'approches le chemin, là, ça s'en va au point suivant. Tu sais, c'est pas juste te dire... C'est... Au lieu d'un système qui fait juste te dire l'objectif final est là-bas, comme beaucoup de jeux font, c'est comme ton objectif est dans 500 mètres par là. Sauf que là, des fois, le level il est fait un peu en S ou en zigzag. Ouais, c'est là, ça. C'est comme, faut pas que tu avances aveuglément dans cette direction-là. Alors que là, ils ont un système un peu plus subtil. En fait, c'est-à-dire qu'il est moins subtil parce que tu as juste à suivre mais c'est le plus point facile. De couleur. C'est ça. Ouais. Tu ne passes pas le basic, tu suis le point de couleur. Puis ça, tu vois, c'est l'autre affaire que j'avais remarqué, c'est que dans les jeux vidéo, on n'aime pas ça quand se faire tenir par le bout du nez puis se faire dire voilà, voilà, voilà, parce que sinon on dit oh non, ça c'est un jeu de corridor, c'est linéaire, c'est poche. Ah, oh, Half-Life, c'était donc ben bon. Parce que Half-Life, à chaque fois que tu arrives à un embranchement, là, tu fais c'est-tu par là, ça a l'air d'être le vrai chemin. Fait que je vais aller dans l'autre chemin parce que c'est sûr qu'il va y avoir une récompense cachée. Et après ça, je vais venir faire le vrai chemin. Right? Mm-hmm. Fait que... Et là, il y avait un peu de ça. T'sais, pour pas que le tutorial même feel trop linéaire, tu avais des salles où c'est comme, bon, t'as une salle, t'as un escalier, il y a une porte. Mais sur le côté, il y a deux autres escaliers que tu peux monter. Des fois, il y a des affaires, des fois, il y a rien, mais genre, ça fait... La salle, au moins, a de l'air d'une vraie salle au lieu d'être juste un carré avec une porte. Puis après ça, plus loin, il y avait un embranchement. Puis là, si tu vas dans l'embranchement, oh, il y a une petite récompense, il y a des petits coffres puis des cossins à ramasser. Il y a des, ils vont jouer comme ça avec des hauteurs, ça monte, ça descend, ça... Ah, ça, c'est le chemin principal, c'est plus ouvert, plus éclairé. Ah, ça, c'est le chemin plus sombre. Ça, c'est pour une side quest ou un side path. Juste pour ramasser des cossins puis après ça, continuer sur le chemin. Mais si tu t'en fous, tu peux juste avancer. Puis mais il y a plusieurs pattes alternatives dans Warframe qu'on voit pas tout de suite parce qu'ils sont cachés, là, genre les bouches de ventilation. Là. C'est assez étonnant à quel point il y en a plusieurs. Puis tu peux tout à fait les manquer. Là. Moi, la partie que j'ai pas compris, par exemple, c'est que dans les choix de bonhommes, il y avait des bonhommes plus stealth. Oui. Puis je suis comme... Ce jeu-là, ça a l'air genre, je cours partout, je tue tout, full vite. Comment tu peux avoir du stealth là-dedans? Pour ça, je trouve ça intéressant aussi, l'espèce de système de l'objectif qui dit juste où aller jusqu'à la prochaine porte, puis ensuite l'autre prochaine porte, parce que, tu dis, on n'aime pas ça se faire mener par le bout du nez, mais quand tu essaies de courir vite, vraiment, vraiment vite, tout partout, ça t'aide vraiment cool, beaucoup là. De juste suivre la petite pastille de couleur, là. Genre, ça aide énormément le fait que, dans le fond, le rythme du jeu de t'as courir. T'as pas à chercher trop. Oui, c'est ça. Tu peux juste... Si tu veux, en fait, si tu veux chercher, tu peux chercher. Mais si tu veux pas chercher, tu peux juste, courir à travers le level. Puis, tu sais, ça m'arrive là, des fois quand je réalise que j'ai pris un level un petit peu trop dur pour moi, puis que je suis seule dedans, ça arrive. Mettons que je réussis l'objectif, puis que l'extraction est ouverte, puis que là, il y a trop de monstres, là. Puis je sais que je peux pas juste tranquillement me promener puis tout looter puis tuer tous les monstres. Mais je fais juste courir comme une malade jusqu'au point d'extraction. Comme, généralement, ça marche, là, mais faut pas que tu t'arrêtes 2 minutes pour respirer, mettons. Sprinting for my life. Oui, c'est ça. Fait que les personnages stealth, ben, c'est ça, je te dirais, si tu joues avec du monde random en ligne que tu connais pas, puis qui joue pas en stealth, ben, eux autres, ils vont juste partir puis courir partout à travers le level, puis tu vas te sentir useless. Parce que tu vas tu vas arriver dans une pièce, puis les personnages vont déjà être alertés. Fait que comme ton set, tu réussiras pas à sneaker en arrière de personne. Là. Mais pour avoir choisi l'arc comme première arme au début, qui est vraiment l'arme stealth qu'il te propose au début, là, ça paraît peut-être pas, là, mais c'est la seule arme qui fait pas du bruit puis qui alerte pas les autres. Fait que j'ai joué beaucoup. Quand j'ai joué beaucoup toute seule au début, c'était surtout pour ça, pour jouer stealth. Parce que c'est ça, tu rentres dans une pièce, puis les monstres sont pas alertés, puis c'est un peu brisé là, l'arc, honnêtement, là, parce que t'as deux monstres l'un à côté de l'autre, puis t'en tues un, puis ils réalisent comme pas que son chum est mort à côté. Parce que c'est la caractéristique de l'arc de pas faire de bruit, là, mais comme, sérieux, là, ils viennent tomber à côté de toi. Là, c'est comme ça dans le jeu d'Orc, là, avec. C'est le même dans toutes, là. Tous les jeux. Shadow of Mordor, là. Ah ouais, pour vrai. Mais t'as un orc qui tombe à terre, là, ça fait un boom, là. Je m'excuse. Ben oui, dans le gazon en plus, ça fait comme. c'est pas un coup de feu, là. Mais le gars, il fait quand même boom en tombant, là. Surtout quand j'en tuais, tu sais. T'as une. Comment que t'appelles ça, genre, quand ils marchent tous ensemble, là? Une nuée. Ben là, pas de. Je sais pas qu'est-ce que tu peux dire. Non, mais mettons 5 ou 7 orcs. Une patrouille? Une patrouille, mettons. Okay. Ouais. Ils marchent tous ensemble en ligne droite, là. Une horde. Là, moi, j'arrive par en arrière, je tue le dernier. Là, il meurt. Là, je tue l'autre dernier. Là, il meurt. Là, je tue l'autre dernier. Puis là, je passe comme ça, un après l'autre. Tchoum, tchoum, tchoum, tchoum, tchoum. Une horde. L'unabite. Non, plus petit, plus petit. entre 3 et 10 orques, gros max, là. Plus comme 4. C'est pas une horde. Ben ouais. Mais bref, c'est un t-shirt de Overwatch. Non. C'est un t-shirt de Portal. Portal, t'as les deux Portals avec le free cake. Come on. Ça s'appelle Geek and Distinguished, mais fail, c'est pas très geek. Mais il y a peut-être de quoi qui fait Overwatch, je sais pas. Comme, vu que si on voit juste les un petit peu les couleurs, je sais pas. Je sais pas, ouais. Bleu et orange. Mais bref, ouais, si tu veux jouer stealth, je recommanderais soit de jouer tout seul, soit de jouer avec des gens que tu connais puis qui vont y aller tranquillement. Pour que tu puisses servir à quoi. Parce que quand j'étais avec un paquet de gens avec des mitraillettes puis que moi j'ai mon arc, j'ai. Ah, c'était une blague, oups. Moi, je pense. Non. Moi, je colle bullshit là-dessus. Je ne pense pas que c'était une blague. Je pense que ça, c'est sonne comme quelqu'un qui fait comme oups, je me suis trompé. Oh, c'était une blague! C'est comme quelqu'un qui fait un commentaire raciste, puis là, tu dis c'était raciste, puis il fait comme ouais, mais non, mais c'était une blague! C'est quand même pas si pire que ça. Ça, c'est comme une blague de Schrödinger. C'est comme... La Schrödinger blague. C'est raciste jusqu'à temps que tu regardes, puis là ça devient une blague. Parce qu'il y en a qui font ça, puis je suis comme, hey, essaye pas. Bon. Mais bref, qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est ça. Quand j'étais avec un paquet de monde avec des mitraillettes, puis que moi j'arrive avec mon arc, j'ai l'impression que tu toutes les bébites avant que je sois capable de pitcher une flèche. Ou genre, tu pitches ta flèche, puis là, le gars, il meurt au moment où ta flèche se rend, puis là, elle passe drette, puis là, t'es triste. Fait que c'est un autre style de jeu, là, mais je sais pas si j'en vois souvent. C'est ça qui est dur quand tu joues avec d'autres mondes, mais déjà tout le monde court en fou. Fait que des fois, t'as même pas le temps de les regarder. Mais aussi, je connais pas encore tous les frames, là, fait que j'ai pas. Quand je joue avec d'autres joueurs, là, ils sont tous pétés, puis colorés, puis plein de trucs sur leurs frames. Ils sont tous super extravagants, puis j'ai aucune idée c'est quel personnage qui joue. C'est pas facile à reconnaître comme Overwatch, mettons, c'est vraiment les personnages puis ont vraiment une esthétique unique, là. Tandis que Warframe, il y a comme une esthétique pour le jeu. Il y a comme une unité dans l'esthétique des personnages. Fait que tout le monde se ressort un peu, finalement. Ben, ouais, vu de proche, non. Parce que tu vois, comme... ça, c'est l'affaire que Blizzard, ils font bien avec Overwatch, ouais. Avec Heroes of the Storm. C'est la silhouette du bonhomme reste à peu près pareille. Ses animations, évidemment, restent pareilles. Fait que tu reconnais les personnages comme ça. Dans sa... Non. Tu sais, mettons Uther ou mettons Diva. Tu sais, Diva, elle a son gros robot. Bon, ils vont changer le gros robot, mais il va toujours avoir à peu près la même silhouette. Une grosse boule en haut avec deux pattes. Je pense à. Voyons. Quel bonhomme que j'ai. Ah ouais, mais. Illidan Ouais. dans World of Warcraft. Ben, dans Hutz, il se déplace d'une certaine manière, puis il y a comme deux espèces de sabres, genre. Puis il y a des costumes. Il y a des costumes où il est comme un autre bonhomme. Il est comme, mettons, Malfurion. Je sais pas dans l'histoire de World of Warcraft si c'est la même Hey personne. boy, non, Oui, son frère ou whatever. je Il sais pas. Oh mon dirait qu'il y a comme Dieu. un lien entre les deux. Mais, parce que Malfurion a un skin de Illidan, puis Illidan a un skin de Malfurion. Et là, tu te dirais, genre, ben là, voyons donc, s'il faut le mélanger, mais genre, tes voix bouger, c'est comme, non, C'est c'est pas son du tout jumeau. mélangeant. Ah, c'est un frère jumeau. C'est Merci. son jumeau. Anne-Marie, experte du lore de World of Warcraft. Anne-Marie, experte de googler vraiment vite les affaires. Yes. Yep. C'est ça, Je c'est un savais bon pas. podcast live. Ouais, c'est ça. Speaking of podcast live, je pense que c'est l'heure, hein? C'est vrai. C'est l'heure. Mais bref, le level design, c'est important, puis le character design aussi pour qu'on reconnaisse vos bonhommes. Yes. Ah oui, ben c'est ça, je voulais. Ah, j'avais pas. J'avais-tu fini? C'est ça. Ouais, je Et peux. les deux bonhommes, ils se ressemblent, ils ont des skins un de l'autre, mais ils sont quand même reconnaissables dans manière de leur posture puis dans leur animation. Fait que tu sais comme ça a l'air de Malfurion, mais c'est Illidan, je le sais. Ah. Genre. Mais c'est cool, c'est une belle twist, vu que c'est deux frères jumeaux, là. C'est une belle idée. Il y en a plusieurs bonhommes comme ça, genre il y en a qui ont des costumes de samouraï, puis là tu fais comme. Des fois, la première fois que tu le vois, tu fais comme c'est qui lui? Puis là tu fais ah, ok, non, ça c'est Zeratul. Enfin. Ouais, le seul personnage de Warframe qui est vraiment facile à reconnaître, c'est celui qui se promène avec une boombox qui sort de la musique. Oh. Ça, je suis sûr que tu l'as pas vu encore, là, C'est mais Lucio. si... Hein? Ah You're oui! feeling the groove. Mais j'ai l'impression que les gens peuvent choisir la musique qui sort de... Parce que l'autre jour, c'était Smooth Criminal. Let's break it down. Hein? Smooth Genre... criminal. Ouais, le monde s'échange des tunes à mettre dans leur frame qui est Octavia qui fait de la musique. Puis c'est que ses skills sont reliés avec la musique apparemment. C'est vraiment Lucio Que de tu peux, ouais, c'est ça, tu peux Overwatch. comme faire des notes puis ça booste tes skills. Puis c'est ça, t'as comme une espèce de petit drone boombox qui suit partout. Puis c'est ça, je pense que le monde peut réellement comme programmer de la musique puis le mettre dans le jeu. Wow. Ou sinon, il y a des trucs déjà comme programmés, mais... Ah, l'autre jour, c'était Smooth Criminal de Michael Jackson, mais pas de voix, genre juste comme la musique. Là. Oui, c'est ça. Je suis là, mais c'est donc bien cool. Là, quand t'es trop loin du bonhomme, tu l'entends plus. Je suis comme, ah, faut que je cours vers le bonhomme pour entendre la boombox. Bon. Ah, ça serait cool qu'il y ait un frame qui joue Through the Fire and the Flames. J'ai pas entendu souvent encore, mais il y a beaucoup de frames, puis c'est un frame payant, celui-là aussi, fait que je le croise pas souvent, là. Mais je vois dans le chat que les gens s'échangent des tunes, fait que ils donnent d'avoir d'autres vraiment cool, je suis sûr. Comment tu t'échanges une toune? T'échanges les MP3? Je le sais pas, c'est comme un lien que le monde poste dans le chat. Fait que, ouais, du jeu, Faut là. que tu programmes la toune en Ben, sûrement qu'il y a midi. quelqu'un quelque part qui a programmé Smooth Criminal, là. C'est... Je sais Wow. pas si c'est les créateurs du jeu. D'ailleurs, les créateurs du jeu sont canadiens. J'ai appris ça. Ouh. C'est cool. À chaque année, ils font une convention. Genre, Warframe, c'est... T'sais, ça a pas l'air si gros que ça, là, mais apparemment, ils ont une communauté vraiment dédiée, puis ils réussissent à faire une convention un peu comme le BlizzCon, mais à chaque année, juste pour Warframe. Puis c'est en Ontario. Eh C'est là que j'étais ben. comme, pourquoi c'est en Ontario? Ah, parce qu'ils viennent de l'Ontario. C'est sweet. Eh bien, sur ce. Oh, mais non, on a-tu des mots de la fin? On a-tu des mots de la fin? Je sais pas. Est-ce que j'ai un mot de la fin? Ah Ah, oui, j'en ai un. ben. Ah, Tu sais, je vas-y. parlais de mon Lightbot puis de mon Oui. jeu dans le chat. Je trouve ça vraiment cool parce que là, les gens jouent à deviner c'est quoi. Eh oui, on a du fun. Fait que c'est assez drôle. Fait On que a vous du trop pouvez. fun. Dans le Discord, il y a le chan, il y a la room Lightbot. Là, vous pouvez interagir avec le bot, puis level up, puis votre image, elle évolue avec le temps. Puis là, le bot, rendu niveau 4, je pense, il se met à vous demander qu'est-ce que vous voyez dans l'image. Puis, ben, ça fait rien, là, mais c'est pour nous. Ça stimule l'imagination, je trouve. Mm-hmm. Au début, on voyait pas grand-chose, puis là, on est capable de voir des affaires assez flyées, mais tu sais, comme, c'est lousse, là. Mais tu fais comme... Tu sais, ma soeur a dit genre, ah, oh, j'ai vu Asmodan, puis un bonhomme qui essaye de sortir d'une toilette, puis une fille qui fait du patin artistique. Puis j'étais comme, wow, va falloir que tu dessines par-dessus un petit peu. Ah, puis un gars qui attache son soulier. Puis là, elle a dessiné par-dessus pour qu'on voit les bonhommes. Parce que, tu sais, c'est un peu abstrait. Fait qu'il faut que tu cherches ouais. dans l'image. C'est cool quand ils font des doodles par-dessus. Oui, moi j'avais dessiné le chien. C'est un chien qui sniffe le cul d'un autre chien. C'est, j'ai dessiné ça. Parce que c'est ça que j'avais vu dans mon... Oh, ouais, à quoi ressemble Asmodan? Le chat a les vraies questions. Asmodan, il est dans Heroes of the Storm, puis il est dans World of Warcraft aussi, je pense. Il ressemble à des pattes de crabe. Il ressemble, il ressemble au boss dans Monster Inc. Tu sais, le boss, là, il est comme... Ah oui! Un gros bonhomme un peu fat qui est monté sur des pattes de crabe, là. Bon, il ressemble à ça. À part que Asmodan, il est pas mal plus trash. Ah, oh, mais il est dans Diablo, Asmodan. Il est même pas dans WoW. Ah! Oh, oui, excusez. Dans Diablo. Non, je me rappelais pas, moi non plus. Il y a des grosses cicatrices à Abedin. Puis il y a une tête avec des yeux puis une grande bouche dedans. Puis il tire du feu. C'est des mâchoires sur sa Abedin. Pas des cicatrices. Ouais. Ce sont des dents. Dans... Oh, ouais. C'est dégueu. Mais il y a Stitches aussi qui a comme des dents. Ah ouais. On voit ses tripes qui sortent. C'est vrai, il y a Stitches. Dégueu. Stitches. Stitches, il est le fun à jouer, mais il est tellement dégueu. Non, je. Non, je sais pas. Puis même toutes ses skins sont quand même dégueu. Il y a un qui a juste pas l'air dégueu. Oh, il devrait faire un teddy bear Stitches. Ça serait vraiment cute. Non, ça. Mais ils vont le faire creepy dégueu quand même. Ouais. Peut-être. Enfin. Bon, c'était mon mot de la fin. Toi, Marie. Mais moi, j'ai continué à jouer à Divinity Original Sin 2. Mm. Ça fait 20 heures que je joue, puis je viens juste de sortir de la première zone. Oh, il y a deux vaches qui m'ont donné une quête. Faut que j'aille dans une maison qui est gardée par une immense grenouille, puis aussitôt que tu y parles à la grenouille, elle fait genre « Wash! » Puis là, tu dis « Qu'est-ce qu'il y a? » Ben, t'es vraiment laite. Voilà. C'est merveilleux, Divinity 2. Non, mais l'affaire, c'est que c'est quand même sérieux comme jeu, puis c'est vraiment écœurant, là. Mais comme... Si tu prends le skill pour parler avec les animaux, là, ça n'a pas de prix. Ah, ça, c'est le skill. Or que ça n'a pas de prix. Si je peux, dans le fond, au mot de la fin, je peux vous faire une recommandation. Si vous jouez à Divinity 2 Original Sin, choisissez le skill pour parler aux animaux, parce que... Oh! C'est savoureux. Il y a un scénariste sur ce jeu-là qui s'est fait beaucoup de plaisir. Ah ouais. Puis des fois, ça n'a même pas de but, là. Des fois, là, comme... Tu sais, quand un animal te dit vraiment de quoi, tu dis « Ah, oh, c'est une quête », tu sais. Mais des fois, tu parles à un rat qui te juge complètement sur tous les choix de ta vie, puis qui part. Et tu te dis « Mais c'était-tu une quête, ça? Ou c'était... Qu'est-ce qui s'est passé? » C'est merveilleux. Et bien sur ce, parce que là, ça fait 2 heures qu'on fait du podcast. Ça suffit. Ça suffit, les podcasts. On s'en va se coucher. Oui. Là, si vous voulez savoir c'est quand le prochain podcast, vous pouvez vous abonner. Hein? C'était Technologie Futuriste Avant-Gardiste sur iTunes et YouTube. Il permet de savoir quand est-ce qu'on sort un podcast. Si vous voulez nous écouter, vous aussi. Twitter puis Facebook. Mais je sais pas, on oublie des post-it. Non, quoi que Anne-Marie est. Non. Anne-Marie est bonne. C'est Oui. En plus, YouTube va vous dire quand on est live. Vous pouvez aussi être sur notre Discord, parce que là, on est rendu une gang, là, puis là, on le dit quand on est live là-dessus. Ouais. On est aussi distribué sur l'entredugeek.net. Si vous voulez nous envoyer des messages, vous pouvez utiliser n'importe quelle des méthodes que je viens de mentionner. Ou courriel. Et ça, là, ça c'est du futur, c'est avant-gardiste au bout. info@onajusteunevie.ca pour nous envoyer vos questions ou commentaires. Je le dis, mais on n'en reçoit jamais. Fait que... Qui va être la première personne à nous envoyer un courriel? Qui? Mystère. Merci Anne-Marie. Merci Nar. Merci Blob, qui est plus là. Parce qu'il est... Merci d'avoir été là. Blob, c'est pas un vrai. Il nous abandonne toujours au milieu du podcast. Ah, c'est correct. Non, c'est correct. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que on a juste une vie. Ah oui? Comme si on allait broadcaster pendant 8 heures. On serait bien capable. Sure. 8 heures de temps à parler de Spaghettizer. Oh my god. On est le 15 mars. Ouais, c'est bon, j'ai passé la journée à écrire la date. Ouais. Mais je suis déçu qu'on n'a pas fait de podcast le 6 mars. Non. Je comprends tellement pas, là. Ben là, Nari. Mais ça me rentre pas dans la tête que saucisse Mars, c'est supposé être drôle. Ça existe pas des saucisses Mars, c'est pas une sorte de saucisse. Non, c'est pas ça la joke. Hein? En effet, ça existe pas des saucisses Mars. Je m'excuse. Mais c'est quoi de bord? C'est quoi qui est drôle? Mais est-ce que 6 Mars. Oui. Saucisse. C'est tout. Mais c'est parce que ça pourrait être saucisse juin rendu là, là. Oui, mais c'était pas ça la joke. Je comprends tellement pas. On peut en parler, mais je me rends compte que c'est pas autant. J'avais un public, et ce public-là trouvait ça drôle, et ce public-là comprenait la référence. Et là, avec les années, j'ai oublié d'où ça venait, puis là, c'est devenu un running gag d'un running gag, plein d'années. Fait que là, puis là, cette année, j'ai fait comme, tu sais, ah, c'est ça, c'est Smash, ah, je vais partager la joke, tout le monde va trouver ça tellement drôle. Puis là, personne n'a compris rien. No. Puis là, j'ai réalisé que genre, oh, c'est parce que c'est pas vraiment une joke. C'est comme, on trouvait ça drôle dans le temps, mais ça fait 15 ans. Peut-être. Ça a changé de public. À la limite, saucissou, c'est plus drôle. Saucissou. C'est vrai. C'est drôle. Mais c'est comme ça, une consonance. C'est genre... On avait parlé de ça quand on faisait les vieux podcasts de la brigade SNW. Puis là, on trouvait ça drôle, puis on faisait des jokes là-dessus. Puis là, c'est de ça, c'est devenu d'autres jokes. Puis là, c'est devenu dans minimum 6. Puis là, à un moment donné, on a oublié. Que genre, mais d'où ma réaction. J'étais comme, je pense que ça vient dans une galaxie près de chez vous, mais je suis pas sûr. Puis là, Oli a confirmé que ça vient du film. Quand le capitaine essaye de dire... a bien de la misère à prononcer le 6 mars. Le Bob mais répond. Pourquoi? Capitaine, pensez saucisse. Saucisse mars. Merci, Bob. Non, parce que... Pour avoir écouté dans une galaxie près de chez vous. Bob aurait pu être dans On a juste une vie parce qu'il y avait toujours le mot pour parler de nourriture. Hmm. Ah, ok, je comprends. Mon épisode préféré, c'était Bob Bu. On salue Didier Lucien, d'ailleurs. Merci, merci pour on les on est des grands fans. qui nous écoutent, sûrement. Et qui, apparemment, détestait les pogos et était obligé d'en manger des quantités astronomiques en faisant... Mais genre, je suis sûr qu'il y a même quelqu'un qui déteste pas ça à un moment donné, là. Ça va se passer.